Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Slam Disc. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Sébastien Gartin et Gabriel Béhoud seront là pour parler respectivement d'actualité et d'impro. On accueillera enfin en personne notre nouveau collaborateur Alfalfa le lutin. Assemblage Requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Requis en ce mercredi 11 janvier 2017 à 106 jours de la fin de l'année scolaire 2016-2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Quelle belle journée! Et... Hein? À chaque jour, on commence comme ça. D'habitude, c'est comme honnête. Et c'est, oui, c'est ça. Aujourd'hui, quelle belle journée! Juste un petit peu de sarcasme dans nos paroles ce matin. C'est Sébastien Bigartin qui va être avec nous dans quelques instants. Ce matin, c'était en écorné les beurs, ou comme disent les Français, en écorné bifimeuf. Ouais. C'est ça, j'ai pas de commentaire là-dessus. Là. Tu sais, honnêtement, si vous êtes pas obligé de sortir de chez vous aujourd'hui, faites juste rester chez vous. Puis même si vous êtes obligé, considérez à quel point c'est une obligation. Tu sais, comme une chronique à Assemblage Requis, ça c'est important, mais je suis pas sûr que je vais rentrer à job. Ouais, merci de mettre tes priorités à la bonne place. Bonjour à ton boss. C'est à peine glissant. Ouais, l'autre fois, tu as parlé de ma job. Fais attention! Attention! On va recevoir un appel pendant la chronique. Moi, j'ai rien dit! Ouais, je vois bien mon boss m'écrit sur Facebook que ouais! Non, c'est. à peine glissant, gros banc de neige partout, venteux comme c'est pas possible. Oui. Fait que même en autobus, je le sentais glisser. Oh, comme, oui. C'est pas très rassurant, un autobus de je sais pas combien de tonnes qui fait ça. Moi, je me suis en venant en auto parce que je trouvais ça un peu plus sécuritaire qu'à m'en venir à pied. De toute façon, c'est parce que je me serais jamais rendu à temps le début de la chronique. Non, non. Puis j'habite pas très loin, là, mais juste dans le court trajet que j'ai eu à faire, moi-même, je pense que j'ai roulé à 35 tout le temps. Ah ouais, je suis partie chez moi à 7h moins 5. Je suis arrivée à 7h20. En temps normal, ça me prend 10 minutes à arriver fou, ici. Là. Je suis partie avec. D'habitude, je prends l'autobus vers les 7h05 et 10. C'est arrivé genre à 20. Je suis arrivé en studio, je me dis, il y avait juste de la musique qui jouait. Je me suis dit, mais là, quoi, Priroki a pas joué ce matin, je l'ai encore mal programmé. Je fais pas ma job comme faut. Mm. T'es rendu à 37. Exactement. C'est juste ça la différence. Hein? C'est incroyable. Bref, pendant qu'on a perdu un bon 15 minutes d'émission, hein? Aussi bien commencer avec ta chronique, Seb. T'es prêt? Oui. Tant qu'à être venu. Vas-y. Hein? Ouais. C'est le bulletin. Tant qu'à avoir risqué ma vie pour c'est vous. C'est ça. Après la météo, voici le bulletin Gartin. Sébastien Gartin qui est de retour pour une autre année du bulletin Gartin. Ouais. C'est le fun, parler d'actualité politique. 2017, bonne année. Bonne année. On est rendu quoi le 11? Oui. Encore les bonnes années. C'est encore legit, on est encore au bout de janvier. Oui, ben, moi en tout cas, je suis encore contre les gags pas de gags du bye-bye. Ouais, c'est ça, fait que ça revient à la même chose. Mais... un peu meilleur. C'est peut-être psychologique parce qu'il y avait Marc Labrèche dedans, mais ça, il était un petit peu meilleur, Stan. Le texte, en tant que tel, était très, très, très, très, très mauvais, mais les acteurs qui ont pris étaient vraiment... C'est peut-être ça à différence. Ouais. C'est peut-être vraiment à cause de l'effet Marc Labrèche. Mais encore une fois, on est le 11, genre. Anne Dorval a sauvé le show pour moi. Anne Dorval aussi, c'est vrai. D'ailleurs, ça, Rouge Pompier l'ont tout dit, ce sujet-là, la chanson Anne Dorval, c'est le premier album. C'est ça. Le premier album, ouais. C'est à cause d'Anne Dorval, je veux dire, c'est à cause d'elle qu'on a tout fini notre cégep. Tout est grâce à elle, oui. C'est ça. Chambre-en-Ville. Oui. C'est à cause d'Anne Dorval qu'on a une TV. C'est ça, à cause de Chambre-en-Ville. Bref, on parle d'actualité, de politique, que ce soit peu importe, hein, au niveau local, provincial, la région, même régionale. Des fois. Là, aujourd'hui, je vais parler des trois choses que je préfère dans la vie, les Kalinours, la politique, puis Donald Trump. Ah, oh, génial. Dans cet ordre. Non, est-ce que Donald Trump a fait pipi sur les filles ou les filles faisaient pipi sur Donald Trump dans la nouvelle qui vient de sortir? En fait, ce qui est drôle, c'est que j'allais pas parler directement de Donald Trump, puis tu m'apprends l'histoire. Ouais, c'est ça, moi, avec. Je suis comme, attends, où c'est, t'as vu ça? L'histoire du Golden Shower, sorti hier soir. Non. Ben, je vais googler la chose. Ouais, ouais, c'est le premier résultat. Google, Golden Shower Trump. Ça me déstabilise parce que je m'en allais parler de choses sérieuses par rapport à Donald Trump, mais là, tu viens de me complètement me déstabiliser. Tu viens de mettre Donald Trump et sérieux dans la même phrase. En fait, je vais parler de Stéphane Dion, ah, okay. En fait. Ce qui est pas tout à fait aussi ludique que Donald Trump, en général. Ah, t'as bien vu le voir. Ouais, il aurait organisé justement un Golden Shower avec des prostituées. Mais est-ce russes. Que c'est lui qui ou est-ce que c'est lui qui. Ah, tu sais, c'est ça que je veux savoir. J'essaie de voir. Fais je vais trouver ça vers la fin de la chronique. Sur le terrain. Wow. Ben, juste le petit sneak peek que tu nous as donné, là, c'est magnifique. Avoue, hein? c'est. Puis là, à toutes les fois, on se réimagine lui avec le doigt sur le piton pour picher des armes nucléaires. Comme... Mm-hmm. C'est-à-dire, puis là, toutes les fois. Puis là, toutes les... on va le dire plus radio-canadien. À ce stade de la chronique... Dans la conjoncture actuelle. Dans la conjoncture actuelle, nous imaginons le dit... Golden Shower! Voilà, c'est bon. Donc, pourquoi je... En fait, je faisais mon agace tantôt, c'est que... juste avant, en fait, il y a quelques jours, il nous fut annoncé qu'il y aurait un remaniement ministériel à Ottawa. La liaison terrible. Le remaniement ministériel a bel et bien eu lieu, puis le gros scandale là-dedans. Qu'est-ce qu'un remaniement ministériel, dis-je? Ouais, c'est obligatoire, ça? Est-ce que c'était prévu d'avance? C'est pas vraiment prévu d'avance. C'est souvent fait sur un... pas un coup de tête, mais il y a comme une conjoncture qui fait « ouin, on est peut-être dû pour brasser un peu ». En gros, c'est que un remaniement ministériel, ça arrive dans tous les gouvernements, c'est-à-dire provincial, fédéral, ainsi de suite. Puis c'est juste de changer les postes des ministres. Qui est ministre, qui ne l'est pas. Mais tout le monde garde le job quoi. Ou... Non. Ben, tout le monde reste député parce que les gens qui sont députés, qui sont élus, c'est la population qui les a élus, ouais. Mais ils les ont élus comme députés. Puis après ça, le premier ministre choisit du monde là-dedans puis disent « toi qui es élu, ouais. » Toi, je décide que tu vas t'occuper de la santé. Mm-hmm. Toi, tu vas t'occuper des relations internationales. Justement, ce qui est arrivé à Stéphane Dion. Oui. Stéphane Dion, le malheureusement pour lui peu charismatique ministre des relations internationales jusqu'à récemment, qui a déjà été chef du PLC, c'était le Parti libéral du Canada. Mm-hmm. Dans le fond, il a déjà été à la même chaise que Justin Trudeau. Ouais. Si je me rappelle bien, d'ailleurs, quand ils ont gagné, c'était lui qui a fait un French un peu louche. Là. Ceux qui s'en rappellent, les autres oui, vous vivent sans ça. c'est ça. Donc Stéphane Dion, c'est ça. Bon, c'est un intellectuel, c'est un ancien prof d'université, l'affaire, c'est que contrairement à, mettons, comme Papa Trudeau, qui était un universitaire et qui a fini par être un des premiers ministres canadiens les plus marquants en termes de charisme, Stéphane Dion n'avait pas le deuxième parti. C'est ça. Il était un peu trop cérébral pour être un politicien d'avant-plan efficace. Donc, il a été à peu près un an chef du Parti libéral et, bon, il s'est fait planter par les conservateurs. Solidement, à peu près à toutes les occasions que les conservateurs ont eu d'y rentrer dedans. Pour la plupart du monde, c'était été la fin de sa carrière politique parce que ça vraiment, il s'est fait rentrer dedans comme du monde. C'est pas pour des questions de il a rien fait de vraiment plus croche que les autres ou de t'sais, ça s'est juste mal passé en gros là, ça a juste pas bien été, mais qu'à cela ne tienne, il s'est représenté, il est redevenu simple député par la suite. Il a passé à travers toutes les tempêtes du Parti libéral du Canada. C'est un vrai, là, un real. Il était déjà là dans le temps du scandale des commandites. Ça a été un de ceux qui a été le moins sali par ça d'ailleurs. Puis finalement, ben c'est ça, quand les libéraux ont repris le pouvoir l'an dernier, il est devenu ministre de la ministre des Affaires internationales, en fait. C'est le chef de la diplomatie canadienne. C'est un poste assez big shot qui est pas très glamour, malheureusement, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre. C'est assez difficile comme poste. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'une des raisons qui semble avoir encouragé Justin Trudeau de refaire un remaniement ministériel, c'est que Stéphane Dion ne livrait simplement pas la marchandise dans le monde, dans l'ère Trump. Ah, OK, oui. C'est pas qu'il faisait pas la job avant, c'est que, bon, Stéphane Dion étant, comme je le disais, un intellectuel, un gars très cérébral, Trump un gars qui est pas là pour le nonsense, le people, Trump étant exactement le contraire de ça, on s'attendait pas à ce que ça se jase beaucoup. Qui plus est, Stéphane Dion, apparemment, ben pas apparemment, écoute un de ses discours, c'est vrai, il parle en anglais à peu près comme un étudiant moyen de secondaire 4. Mm-hmm. C'est chiant pour les étudiants secondaire 4, ça. Mais... étudiant moyen, j'ai dit. À Trois-Rivières. Moyen. Ben, on s'entend, je parle pas de quelqu'un dans l'ouest de Montréal. C'est ça. Ah oui. Donc c'est ça. Stéphane Dion a un petit peu de misère avec les langues, ce qui est pas fantastique pour quelqu'un qui s'occupe de la diplomatie internationale. Et on sait que Donald Trump, aussitôt qu'il voit quelque chose de beau, il faut qu'il l'embrasse. Mm-hmm. Fait que les langues, c'est important. Ouais, c'est ça. Flac. Ouais. C'était pas ta meilleure, celle-là. Merci. Non, ouais, c'était un peu... Oh, c'est la première fois que je condescendais avec une de tes jokes en 2017. Oh, je m'en dirais en 2016. C'est choyant. Choyant, c'est-tu un mot, ça? Non, je suis pas sûr. Pas grave. On peut essayer. Ouais. Par des modes. Hein? Donc, moi, ce que je ressortais de ça, ça a été annoncé. Il y a eu du coulage, mettons, d'informations qui prévoyaient ça dès la fin de semaine, en fait. Que probablement qu'il y aurait un remaniement ministériel hier, dans le fond. Il a bel et bien eu lieu. Et Stéphane Dion a bel et bien perdu son siège au cabinet au Conseil des ministres. Il est redevenu simple député. En fait, les rumeurs disaient qu'éventuellement, il serait probablement nommé ambassadeur du Canada en France. Mm-hmm. Ce qui fitterait avec le gars, honnêtement. Ouais. Si, évidemment, il l'accepte, parce que Stéphane Dion est un fier, mais convaincu du Canada. C'est pas un processus public, dans le sens qu'on sait pas encore s'il va avoir... Non, ça, c'est arbitraire. C'est qui les okay. ambassadeurs, c'est le premier ministre qui décide. D'accord. C'est vraiment un de ses... Mais je veux dire, est-ce que c'est annoncé en public? Ou est-ce qu'on l'apprend par les annoncé médias? Annoncé en public, mais les médias le diront pas. Okay. C'est pas un sujet qui est généralement très intéressant. Peut-être okay. cette fois-ci, pour faire le suivi du remaniement, peut-être. Est-ce que ça va être un peu plus repris par les médias? Mais ça, généralement, c'est le genre de choses qu'il faut aller s'informer un peu plus creux. C'est pas... Ouais. Radio-Canada vont peut-être en faire un entrefilet. Ouais. Un entrefilet, c'est ça qu'on veut? Je pense que oui. Ouais. Parce que ouais, c'est pas moi qui étudie en médias en anglais. Bien cuit et tout. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un contre-filet. Ah, ouais, c'est ça. Pas déjeuner d'ailleurs, ça me donne faim. Mais c'est pas fait tout en même temps, donc ça veut dire. Ça a été fait hier, mais il y a d'autres postes qui restent à annoncer encore. Ben, c'est qu'en fait, la nouvelle apparence du Conseil des ministres a été annoncée. Ça, on le sait qui est ministre à cette heure. On sait juste que Stéphane Dion a plus de siège de ministre. Mais ce qu'il y en a qui disaient, c'est que pour service rendu, parce que quand t'es rendu ambassadeur, c'est le poste. C'est toute une job en fait, ouais. Mais ça a en même temps un petit quelque chose de comme une genre de récompense. Wow. C'est en même temps un titre qu'on te donne. T'es un ambassadeur. C'est un honneur. Ça se dit qu'il y a un A majuscule au début de ça. Là, fait que tu sais, good for him. Mm-hmm. Désolé pour l'anglicisme. Il comprendra pas pareil. Ben, je pense qu'il comprend l'anglais. On a seconde à 4, là, pas troisième année. C'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien enlever, c'est qu'il y a de la. Je pense qu'honnêtement, je pense pas qu'il y a de la misère à comprendre l'anglais, c'est juste qu'il y a de la misère à s'exprimer en anglais, ce qui donne des choses un peu malaisantes. Puis bon, on sait comment est-ce que Donald Trump, entre autres, est un peu un bully d'école secondaire rendu mm-hmm. trop vieux puis trop riche. Fait qu'il se garoche sur tout ce qu'il peut. Fait qu'on s'entend que probablement que des rencontres entre les deux, ça aurait fini par Trump qui fait des tweets sur comment est-ce que les Canadiens ont fait don dur, parce que notre ministre des Affaires des Relations internationales a don light tweet quand il parle en anglais. Ouais, ouais. Les tweets qui allaient être tweets, là, j'essaie de faire un match de plan, puis ça n'a pas marché. Non. Mais c'est ça. Par contre, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, si on creuse un petit peu plus, c'est que moi, je me rappelle la veille de la soirée électorale américaine, évidemment, ou la veille, ou en tout cas dans la semaine avant, Justin Trudeau qui fait une grosse sortie contre Donald Trump, parce que là, c'était, dans sa tête, c'était sûr que c'était Hillary Clinton qui était élue. Fait que là, il s'est gâté de parler contre Trump et tout le kit. Mais là, une fois qu'il est élu, là, ah, c'est drôle, on va refaire un remaniement ministériel, parce qu'il n'y a pas juste eu Stéphane Dion qui a changé de siège. Là. Mm-hmm. Ils ont amené aux relations internationales le ministre dont, là, j'ai pas pris de note puis je me rappelle plus de son nom. Ceci étant dit, c'est une ministre. Ce que je suis pas certain à quel point c'est une bonne idée de mettre une femme devant Trump. Pas parce que les femmes sont pas capables, mais sachant comment est-ce que Trump a des petites tendances misogynes. Et des petites mains. Quoi? Imagine mot plante, c'était même pas jeune. Oui, Mathieu. Mais est-ce que tu parles de Chrystia Freeland? Ouais, exactement. Qui, elle, parle 5 langues dans la vie, donc c'est déjà un gros avantage dans son cas pour les relations internationales en général. Elle était au commerce international, donc, juste avant domaine, là, au moins. Et ils lui ont donné, dans le fond, ils ont laissé le dossier, parce que commerce international, c'est absolument toutes les ententes commerciales internationales du Canada. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'en devenant ministre des Affaires internationales, donc généralement des ambassadeurs, de la diplomatie, ainsi de suite, ils lui ont quand même laissé, ils ont intégré dans son mandat le commerce avec les États-Unis aussi. Mm-hmm. Vraiment, en gros, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un ministère de gérer Trump. Ouais. Carrément. Ouais, c'est vraiment ça. C'est carrément ça qui est arrivé. Pour 4 ans. Puis là, je me dis, là, les États-Unis, ça a tout le temps été le gros poisson dans la gang. Ouais. Dans le sens de gros poisson dans la mare qu'elle. La planète. Ouais. Surtout pour nous autres, le Canada, je pense que c'est 80% de nos échanges commerciaux qui sont avec les États-Unis. Wow. Notre économie dépend de nos relations avec les États-Unis. Puis là, c'est comme si on avait peur. Ouais. Parce que ce qui arrive, ce qui semble être de la façon que ça regarde, premièrement, avec les États-Unis de Trump, malgré le fait qu'il y a eu d'autres patriotes américains, on pense à George Bush, entre autres, dans l'histoire récente, mais qui est « Ah ouais, non, nous autres, bye American », puis tout le kit. C'est un autre niveau, là. C'est un autre niveau, parce qu'il y avait une différence. Il y avait une différence entre le discours en public mm-hmm. et ce qui se faisait réellement dans les élites, derrière les portes closes. C'était, en fait, ce qui arrivait derrière à huis clos était souvent beaucoup plus raisonnable que ce qui se disait en public. Mm. Donc, et c'est pour ça qu'on a été capable d'avoir autant de relations cordiales entre le Canada et les États-Unis, malgré les divergences, pour le dire poliment, entre, mettons, l'époque où on avait, par exemple, un Jean Chrétien comme premier ministre du Canada et un George Bush comme président américain. Bon, Jean Chrétien, je suis pas le plus grand fan non plus de lui, mais étonnamment, on s'en est ennuyé pendant un bout. Même chose après ça, quand ça s'est un peu inversé, Obama versus Stephen Harper. Stephen Harper qui était beaucoup plus, justement, c'est un conservateur à la base. Ouais. Puis Obama qui était quand même relativement progressiste, bon, un peu plus ouvert sur le monde que Harper, mettons, là. Ça a quand même été capable de se parler. Le Trump, la façon que ça regarde, c'est que ça va être des coups de tête. Lui, il laissera juste pas parler personne. Non, mais non. Tu pourras même pas parler. Il a toujours raison. C'est ça. Un truc intéressant à revoir, c'est qu'il y a tous nos partenariats internationaux présentement, qui, je parlais de raisonnabilité, je vais un peu contredire ce que je viens de dire. Les gros partenariats internationaux, au premier plan, l'ALENA, qui date déjà quand même de presque 20 ans, que ça, l'ALENA, c'est Canada, États-Unis, Mexique. Mais là, il y en a plein d'autres. Mettons, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas des bonnes nouvelles en général quand que ça arrive. Là, il y en a beaucoup. Ça se multiplie. Ils sont de plus en plus gros. On pense entre autres au partenariat transpacifique, que là, c'est absolument tous les pays à peu près qui touchent à l'océan Pacifique. Fait que ça ratisse loin en tabarouette. Ça touche à la Chine, au Japon, Canada, États-Unis, évidemment. Puis que même, il y a les Chinois, il y a eu des sorties à un moment donné cet automne qui disaient que les Chinois revenaient pas de ce que le Canada et les États-Unis leur donnaient. Ils étaient comme, mais là, ça n'a pas d'allure, là. On a l'impression de vous crosser, excusez l'expression, mm-hmm. parce que vous nous en laissez trop, laissez-en un peu à votre peuple, Colin. Mm-hmm. Tu sais, c'est quand c'est rendu que la Chine fait des remontrances aux pays occidentaux de, tu sais, arrêtez donc de vous sacrer un peu de vos habitants, ça serait peut-être pas pire, tu sais. Mais en tout cas, puis là, ben, Trump, ce qui est le fun, c'est que là, il arrive un, comme, tu sais, pis ça, c'est malheureusement des choses qu'il fallait qu'on lui donne raison un peu dans sa campagne, puis tout, de, oui, ça a été négocié entre élites économiques qui parle à d'autres membres des élites économiques à longueur de temps et qui sont rendus un peu déconnectés du peuple. Puis là, je ne rentrerai pas en détail dans pourquoi c'est pas avantageux pour nous autres. Le gros détail qui m'intéresse de ça, c'est le côté souveraineté locale. C'est-à-dire que, entre autres, ces partenariats-là, souvent, pour accommoder les compagnies qui ratissent large en termes de frontières, c'est que, dans le fond, vu qu'il n'y a pas les mêmes législations partout, puis un paquet de choses comme ça, c'est un genre de tentative de justification raisonnable, mais en fait, c'est complètement irraisonnable. C'est que les compagnies peuvent, à Star, ceux qui sont touchés par ces partenariats-là, les compagnies peuvent poursuivre les États, en fait. Quand je dis les États, c'est un pays comme le Canada ou comme les États-Unis. Ou une province, par exemple, ou un État américain, comme, mettons, la Californie décide de faire une nouvelle taxe au carbone, telle compagnie trouve que, ça va peut-être couper dans nos profits parce que nous autres, on aime ça en pitcher du carbone dans l'air parce que c'est payant pour nous autres. La compagnie XY a le droit de poursuivre la Californie, puis pourrait gagner parce que c'est legit, parce que ça touche à leur... Fait, ça amène souvent des clauses comme ça, ce qui est un des multiples exemples de pourquoi est-ce que nous autres, on se fait fourrer. Parce que genre, on respecte l'oxygène dans la vie. Ouais, ben c'est, oui. C'est un exemple de ça, mais souvent, c'est ça. Ça va être souvent la législation environnementale qui va accrocher. Là. Des trucs comme, mettons, le gouvernement canadien décide de finalement interdire les pipelines pour XY raison. Puis là, je veux pas faire ce débat-là. Là. Je sens un Samuel Girard me tirer en arrière de la tête. Jeudi 9h30. C'est ça. Hey, j'ai pas encore plugué mon émission. Ah, mais c'est pas encore commencé. C'est pas encore. La semaine prochaine. Là, mais vous changez de case horaire, si je me suis. Non, du tout. Non, on a juste pas commencé cette semaine parce qu'on était pas prêts. C'est juste pour ça. Dis, c'est le retour des fêtes. Ouais, c'est exactement. Non, c'est parce que j'avais. J'ai rempli le papier trop tard, puis Alain avait pas eu le temps de me revenir là-dessus. Il recommençait le 9. T'attendais des nouvelles pendant les vacances. Il était pas là. Ben non. C'est ça. C'est ça. Bref. Qu'est-ce que je disais, non? Ouais. Golden Shower. Golden Shower. On recrée l'intérêt. Ouais, ouais, ouais. Mais non, c'est ça. Ben, en gros, là, je m'éparpille un petit peu. Parce que c'est ça, des fois, les chroniques avec pas de casque. C'est-à-dire 95% de tes chroniques. C'est vrai, c'est maintenant, à ce temps, je vais plus. Mais souvent, c'est parce qu'on échange plus dans ces chroniques-là. Fait que je trouve ça plus fun. C'est freestyle, en même temps, c'est ça. À un moment donné, c'est pas moi qui donne un cours, c'est on discute. Oui. Comme dans une taverne. Mais c'est comme ça qu'on arrive à certains résultats qu'on veut obtenir. Ben c'est ça. Fait que effectivement, je pourrais me préparer un peu plus des fois. Souvent, le bout de préparer, c'est parce que je mets... c'est ça. C'est l'information qui va nous manquer. Souvent, je choisis mon sujet en déjeuner avant de m'en venir ici. Fait que, et toi aussi? Ouais, mais pour vrai, c'est parce que comme ça, on est stiff sur l'actualité. C'est la dernière affaire qui s'est passée. Parles pas de Trump qui fait pipi sur des prostituées. Non, effectivement. Non, mais si tu veux savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé selon les dires, c'est qu'il n'aurait pas uriné, lui, sur les prostituées ou elle sur lui. Non? En fait, c'est qu'ils auraient engagé des prostituées russes pour uriner dans le lit présidentiel qui se trouvait dans un hôtel de Moscou où séjournaient parfois Barack Obama et Michelle Obama, simplement parce qu'ils les haïssaient. Présumément. C'est ce qu'on dit. C'est quand qui aurait fait ça? Depuis les dernières années. Eh ben! Oui, avec les rapports, les sociétés d'intelligence en Europe et en Russie et tout ça. Breaking news. Dire que j'allais y donner un point. Je vais quand même y donner. C'est que, bon, je parlais des partenariats transpacifiques et autres accords de libre-échange et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant avec Donald Trump, c'est que lui, apparemment, disait que... puis là, c'est parce qu'il faut voir si les bottines vont suivre les babines, comme je dis des fois. Lui disait qu'il voulait complètement renégocier ça from the ground up. Mm-hmm. C'est-à-dire, on fait comme si c'était pas là, puis on les renégocie. Ouais. On les réouvre toutes, on les renégocie, parce que présentement, on a l'impression de se faire avoir. Mm-hmm. Ce qui est souvent le cas, effectivement. C'est les compagnies qui ont tout. C'est vrai. Ouais. Par contre... Sachant comment est-ce que Trump a parlé de « Ah ouais, moi, les élites, puis ouais, non, moi, je suis pas, fuck les élites, puis ouais, par là. » Faisant partie du 0,001%. Puis que là, les premières affaires qu'il va faire en devenant président, c'est baisser ses propres impôts pour monter ceux du reste du monde. Oui, il paye pas, fait que c'est ça. Puis que tous les gens de son cabinet, tu sais, je parlais des ministres tantôt aux États-Unis, c'est même pas obligé d'être des gens élus. Tous les gens qui gardent, eux autres, c'est des secrétaires à la quelque chose, ou quelque chose, là, mais c'est le. Il y en a qui chose. Doivent passer par le congrès, là, comme là ce matin à 9h, je pense, c'est Jeff Sessions là, qui est en genre de procès pour ce poste-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va dire parce que je suis pas sûr que ça va ben gros chialer contre Trump. Pis... Ouais. Ben en même temps, c'est bien beau dire que le congrès puis la chambre, les deux sont républicains, mais c'est vraiment pas tous les républicains qui trippent sur Trump. Là. Non, c'est ça. On va voir ce que ça va donner. En fait, ça va probablement donner le ton sur ce qui va se passer pendant la présidence de Trump. Parce que est-ce que les républicains vont aveuglément suivre leur messie orangé ou ils vont. joke gratuite. Cheetos Man. Charles contre le monde qui font ça, mais bref. Où est-ce qu'ils vont tenter de modérer ses ardeurs et de. Parce qu'il va. Moi, une analyse que j'avais vue que je trouvais intéressante, puis d'ailleurs, c'est encore plate que je ne l'avais pas noté, mais en gros, j'ai retenu les grandes lignes. Ce qu'il disait, c'est que ça va être un Rob Ford. Si on se rappelle de Rob Ford, très semblable à Trump, même en apparence, d'ailleurs. C'est l'ancien maire ça, de... c'est physique comme gag. Vraiment, c'est pas, cool. C'est pas fin. Ah, mais c'est pas grave, c'est Trump. Mais tu sais, je veux dire, l'aspect négligé un peu. Pas peaufilé, pas léché, c'est mettons. Ça, c'est pas ça, Justin t'sais. Trudeau, ouais. Rob Ford qui était le maire de Toronto qui s'est fait entre autres connaître en dehors de Toronto pour le fait d'avoir été pris à faire du crack avec des dealers pendant qu'il était maire. C'est pas ses seules phrases qu'en fait il était le même genre de personnage que Trump, t'sais, un genre agressif people, mais en même temps, à people devant les autres, mais qu'il est là pour ses propres intérêts, puis il se force à peine de s'en cacher. Donc, puis lui, ben, au début, il était très populaire, justement, grâce à son populisme et autres. Et avec le temps, ben, il a fini par se faire tasser parce que ça marchait pas. C'est son frère, si je me souviens bien, qui avait pris sa position pendant un moment. Ouais, qui avait à peu près qui était le même genre, mais un peu moins pire. Ouais, en fait, qui était plus. Il faisait juste pas de craque, lui. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a été envoyé pendant son mandat ou est-ce qu'il avait complété son mandat, mais pas renouvelé? C'est, je veux pas dire de quoi que je suis pas assez certain. Parce que Trump, il y a 4 ans, mais il pourrait être impeached quand même. Ouais, ben, ils ont déjà impeached un président dans l'histoire des États-Unis, puis c'était pour. Pas mal moins qu'une Golden Shower. Pas mal. Donc, même genre de sujet, étonnamment, mais ouais, pas mal moins pire. Ouais. You showered de quelque chose? Ouais, c'est ça. Si on parle de Bill Clinton, c'est en ça, fait. Ouais. Là. Donc, moi, je suis même plus sûr. Bill Clinton, ils l'ont-tu finalement impeaché? Parce qu'il restait pas grand. Il restait pas très long. On a parlé long, en nom l'autre fois, puis on s'est rappelé qu'il fallait qu'on aille vérifier, puis on est pas allé vérifier. Il s'est fait enlever le droit de gérer son propre personnel pendant qu'il était encore là. Mais il est resté comme étant en mère, mais c'est plus lui qui gérait. OK. Son personnel, c'était ses parties génitales. Oui, ça doit être ça. Ses narines. Ses narines. Ben là. C'est une par de drogue. Je passe bien ses affaires là. Ouais, c'est ça. Ça aurait mérité une photo, ça. Parce que, bref, on a du plaisir à matin, c'est le fun. J'avais promis des calinours dans les. Dans c'est les... vrai? Ouais, ils sont où? Ils sont à nulle part, je faisais juste mon agace. Non! Mais tu sais, les Français, ils appellent ça des bisounours. C'était les madames russes. Ouais, c'est ça. C'est ça, des calinours russes. C'est comme ça que Trump appelle quand il pogne Grabbed up by the bisounours. Ouais, exactement, grabbed up by the bisounours. Ouais. Moi, je vote pour que ça soit le hashtag d'aujourd'hui. Oh! Vendu! C'est bon, c'est. Donc, on a juste une demi-heure de fête. C'est pas pire, c'est pareil. Titre, c'est vrai, moi, je checkais l'heure, je me disais, Colin, il va falloir que j'accouche un peu. Puis, non, c'est vrai, on a commencé comme 15-20 minutes ouais, en oui, mais c'est ouais. Fun. Ok, ouais. La météo. Mais en fait, je vais quand même faire un wrap-up un peu parce que là, on est parti vraiment de tous les bords, comme dans souvent c'est le cas avec les chroniques avec podcast. Pas de casque. Puis, parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'on faisait des podcasts. Ben, il y a des podcasts de l'émission. Oui. Ils sont pas sur iTunes d'ailleurs. Mais quand c'est, mais là, c'est podcast. C'est compliqué de faire des balados de mes émissions. Là. Ouais, c'est ça. Puis iTunes, en plus, ils ont plein de conditions spéciales que nous autres, on respecte pas vraiment. Pas le temps de niaiser avec ça. C'est ça. Bref. Fait qu'on vient d'expliquer en ondes pourquoi tous nos fans qui nous achalent pour avoir un podcast sur leur iPod ou leur iPhone. Je sais pas pourquoi je dis encore iPod, y'a plus personne qui a d'iPod en 2017. Quoi, j'en ai encore? Non, essaye pas ton iPhone. Mais donc, ben en gros, ce que je veux en venir avec tout ça, c'est que bon, Donald Trump arrive comme un chien dans un jeu de quilles et va brasser bien des affaires, que ça soit en positif ou en négatif. Puis je pense que ça peut ne pas donner du positif tout le temps, mais c'est quand même pas une tant mauvaise chose qui se brasse des affaires. Ou ce que je trouve que c'est une. Dans le fond, je parlais des partenariats de tu sais, l'ALENA et ces choses-là, les partenariats de. Les accords de libre-échange. Généralement, c'est monsieur et madame tout le monde qui se font avoir par ça, comme je disais. Venir brasser là-dedans dans l'absolu, ça va pas nécessairement donner des bonnes affaires. Ça va pas nécessairement améliorer notre condition avec ça. Par contre, c'est sûr que c'est le fun de quelqu'un qui veut le brasser. Fait qu'on va voir ce que. Ça, c'est un gros cas de on va voir. Mm-hmm. Oui, hein, vraiment, c'est comme le plus gros cas de. C'est un suspense. C'est ça. Il va peut-être rien faire finalement aussi. Il va peut-être juste en parler bien gros. Puis comme notre fameuse réforme de la citoyenneté de Justin Trudeau, de ah, oh, mais finalement, ça achale pas tant le monde que ça. Finalement, c'est trop loin de leur mini. Mais on l'a vu. J'ai pas le goût de m'en occuper. Trump a même pas encore commencé. Il a commencé déjà à dire ah, tu sais, j'ai dit toute ma campagne qu'on allait poursuivre Hillary. Ah, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a dit, tu sais, tout ce que t'as dit de bullshit durant ta campagne, tu peux pas tout faire ça, là. C'est sûr qu'à un moment donné, il va se faire freiner quelque part. Le Great Wall of Mexico, c'est ça. Ça, dit en passant, je suggère fortement, c'est les gens qui connaissent pas encore Adam Conover, c'est un gars de College Humor sur YouTube, dans le fond. College Humor, je commencerai pas à expliquer c'est quoi, mais en gros, c'est un channel YouTube qui font des courts-métrages drôles, mais un peu éducatifs en même temps, là. Mettons, c'est de l'humour intelligent. Oui. Adam Conover, c'était un des acteurs de ça qui s'est parti sa propre petite série. Fait qu'il est sur College Humor puis True TV, que ça s'appelle aussi. C'est, en gros, ça s'appelle Adam Ruins Everything. Donc, Adam ruine tout. On aime ça. Puis c'est très bien fait, en fait. C'est comme un genre de cours de il fait un peu comme le pharmacien ou l'inspecteur viral du journal Métro. Il prend des mythes un peu qui circulent dans la société, puis il vous sort la science par rapport à ça, mais il le présente de manière ludique. Fait que ça s'écoute très bien. Puis c'est très, très éducatif. Puis un qu'il a fait, c'est Adam Ruins, The Great Wall of Mexico. Mmh. Je pense que c'est le même qui s'appelle, en tout cas. Puis on le mettra sur la page de l'émission. Ben oui! Puis en gros, il explique pourquoi est-ce que, ben, premièrement, le Great Wall, de construire physiquement un mur entre le Mexique et les États-Unis, c'est complètement imbécile, ça va coûter une fortune, ça va rien donner. Puis il explique aussi pourquoi est-ce que les politiques, le durcissement des politiques d'immigration, en fait, ça donne exactement le contraire de ce qu'on veut. C'est-à-dire que ça fait qu'il y a plus d'immigrants non documentés aux États-Unis. Et qu'il y a, en fait, ça a l'air drôle, mais le fait de durcir les politiques aux douanes, ça fait qu'il y a plus d'immigrants non documentés, donc ce qu'on appelle souvent des immigrants illégaux. Mais moi, vu que c'est mon domaine d'étude, ben je habituez-vous à dire non documentés, parce que c'est comme de dire que c'est des gros criminels. Ouais, tout, c'est ça. Je veux dire, ils essayent de survivre, ces gens-là. Pis selon les anglophones, c'est des extraterrestres en plus. C'est aliens. Ouais. Mm. Mais non. Fait que, ouais, en fait, c'est que pour les extraterrestres, les Anglais ont adapté le terme étranger pour extraterrestres. Mais ouais. En plus. C'est illegal aliens en anglais, effectivement. Donc, c'est ça. Ben, Donald Trump, il a sorti un paquet d'idées comme ça qu'on sait. Le grand mur du Mexique, il le fera pas. Je veux dire, ça coûterait la même affaire que le budget militaire à peu près en construire un puis le tenir en état. Mais puis, on s'entend que confiance. Le budget militaire américain, on s'entend que c'est assez immense. Oui, c'est plus que. C'est à peu près le budget total du Canada, là. Ouais. Fait que, tu sais, total, là, genre, comptant tout, là. Mmh. C'est ça. Fait que, son genre de devoir, je pense que ça va comme tomber aux oubliettes un peu, ouais. Ça. Mmh. Puis là, ben, en fait, je disais, c'est intéressant, c'est que l'aspect chien dans un jeu de quilles de Donald Trump, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec j'ai l'impression que j'en parle depuis tantôt, là, mais les accords de libre-échange. Ouais. Mmh. Par contre, ce que je voulais en venir au début, en fait, mon petit plan que j'avais dans ma tête, c'est que, bon, je parlais en début de chronique, je parlais de Stéphane Dion qui s'est fait tasser des affaires étrangères pour peut-être se faire donner un poste d'ambassadeur pour installer quelqu'un d'un petit peu plus, premièrement, plus à l'aise en anglais, puis peut-être qui est plus habitué avec le commerce international, puis tout. D'ailleurs, ça a été ce que Justin Trudeau a dit, c'est qu'il a dit, j'ai encore oublié son nom. Christian Freeland, c'est ça. Qui se retrouve aux affaires étrangères et qui garde, dans le fond, comme on a dit, c'est la ministre à gérer les relations avec Donald Trump. Là. La ministre aux relations trumpiennes, on pourrait dire. Dans le fond, la justification de Justin Trudeau, c'est qu'elle, c'est vraiment quelqu'un issu du commerce international, déjà, avant d'être en politique. Puis Donald Trump, lui, parle rien que de commerce, en créer de l'emploi, des affaires comme ça. Lui, c'est son seul sujet de discussion sur les enjeux internationaux. Il comprend rien en politique internationale de toute façon. Il l'a démontré un paquet de fois pendant la campagne électorale. Okay. Les gens ne l'ont pas élu pour ses connaissances intellectuelles. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. C'est moi, ce que je trouve déplorable, c'est quand même le fait que, bon, regarde, là, Justin Trudeau, qui juste avant, quand il pensait que Donald Trump ne serait pas élu, là, que c'est garoché pour parler contre lui, puis ainsi de suite. Et qui finalement, regarde, OK, là, il rentre président dans une coupe de. Il rentre officiellement président dans quelques semaines. Je pense que c'est le 20 qui rentre. 19, il me semble. La semaine prochaine. Je pense pas c'est mal. 19 et puis le 20, c'est comme sa première journée complète. Ouais, c'est ça, OK. Et encore une fois, il faut rappeler, je m'excuse de faire une parenthèse, mais il faut rappeler que Donald Trump n'a pas été élu. Il a été désigné par le collège électoral. Mm-hmm. C'est pour ça qu'en français, on dit président désigné, non pas président élu, souvent. Ouais. Dans ce cas-ci. Ce qui est différent, ouais. Ouais, bref. Désolé. Mais ouais, c'est ça. Le collège électoral n'a pas remis en question la. Exact. Parce qu'en tant que tel, c'est ça qui. C'est les règles. C'est ça. Il y en avait plein qui disaient ah là, cette fois-là, le collège électoral ne vont pas accepter. Ça, c'est bullshit. Ils ont suivi les règles. Ça n'a jamais. C'est jamais arrivé, puis ça n'arrivera pas. Ouais. Avant qu'ils fassent une. Si c'est pas arrivé dans réforme, ce cas-là, ça n'arrivera jamais. C'est ça. Ça aurait été le cas où ça aurait pu arriver. Ouais, ben je pense que des locaux, ce que ça aurait pu arriver de n'avoir à peu près un par décennie. Là, ouais. Fait que, je veux dire, j'étais à peu près sûr que le monde a dit la même affaire pour le quand c'était l'élection, le George Bush contre Al Gore. Mm-hmm. Le monde disait ouais, mais là ils vont switcher. C'est Al Gore qui a eu plus de. Il s'est passé à peu près la même chose. Ouais. George Bush a gagné le nombre de grands électeurs, mais Al Gore avait gagné le suffrage universel. Puis tout le monde disait ah ouais, non, c'est sûr que ça va être. C'est sûr et certain que ça va. Ils vont switcher, ils vont le donner à Al Gore à la place. Non, pas ce qui s'est passé. Donc c'est ça. Moi, ce que je disais, ce que je trouve plate de notre bord, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que malheureusement, Justin Trudeau est en train d'un petit peu se plier à Donald Trump. On a juste rappelé à notre cher premier ministre que quand même le premier ministre d'un gros pays dans le monde. Mm-hmm. Tu sais, c'est bien beau dire que c'est notre plus grand partenaire commercial, que pour la défense, on est très alliés qu'eux autres, pour... Ma manée, tu sais, si c'est ton bon chum de gars, là, je vais faire le genre d'analogie que normalement maker, mais ça reste que, tu sais, ton bon chum de gars que tu fais bien des affaires avec, s'il fait le cave, tu vas y dire, tu sais. Ouais. Je dis pas que ça marche exactement de même en politique internationale, mais on n'est pas, je veux dire, salut, on est une trentaine de millions quand même au Canada, on t'a élu, on aimerait peut-être ça que tu nous représentes et que tu fasses pas juste éviter la confrontation avec. Mm-hmm. Si t'échappes le savon, c'est ce que Trump pourrait te faire. Hein? Ouais. Mettons, je voulais pas me rendre là, non, ouais. Mais l'exemple que je pourrais donner, en fait, puis que j'aimerais rappeler, puis Justin Trudeau est en train de nous écouter, en tout cas, je suis surpris. Mais le bout que j'aimerais rappeler, je parlais de Jean Chrétien, puis je suis pas un grand fan de Jean Chrétien, mais des fois, je m'ennuie de lui. On se rappellera en 2003, quand que George Bush s'est garoché en Irak sur des Astor, on le sait, de la bullshit, quand même. Pour starter la guerre en Irak, le Canada n'est pas allé, parce que Jean Chrétien, il a fait, ben garde, nous autres, on n'a pas assez de preuves, on n'ira pas. Les Américains n'ont pas aimé ça, mais, bien, un an après, plus personne ne s'en rappelait qu'on n'était pas allé. On était allé ramasser là, un niaiserie après eux autres, d'ailleurs. Mais, tu sais, puis ça, ben, on n'en revenait pas, en fait, que, mais... À un moment donné, c'est ça. Je veux dire, t'es un chef de pays, t'as une trentaine de millions de personnes qui vivent avec les conséquences de ce que tu décides. Partir en guerre de même, ça nous coûte cher collectivement. On a d'autres choses à faire que ça. Puis surtout quand, tu sais, on n'est pas pour faire les quatre fantaisies. Tu sais, c'est pas parce qu'ils sont trois fois plus nombreux que nous autres puis qu'ils sont trois fois plus riches aussi qu'il faut tout se plie à la lettre de ce que les Américains veulent. T'sais. On est souverain chez nous aussi. Le meilleur exemple, c'est ça, l'armée canadienne, ça s'appelle l'armée... Là, ils ont rajouté le Royal dedans, ils l'ont remis, là, mais c'est l'armée canadienne, c'est l'armée des Canadiens, et là, pour nous servir à un moment donné, là, t'sais, je veux dire, elle sert à notre défense, à nous autres, pas à servir de backup aux États-Unis quand ils veulent trouver du monde à servir de chair à canon, là, parce que des fois, c'est à ça qu'on sert aussi, là. Je veux pas, l'armée canadienne n'a pas les plus gros tanks non plus, puis tout le kit. Là. Bref, ça pour dire, c'est si je veux, si j'aurais à conclure ma chronique, il est pas mal rendu l'heure. Si j'avais. J'ai-tu vraiment fait ça? Oui. Ah, pas vrai? Désolé, je suis premier que ça ait cœur. Je me sens honnêtement mal. Ça se voit dans sa foule, dans son visage. Mais si j'avais une chose à. Là, je l'ai dit, Oui, oui, oui. Si j'avais une chose que j'amènerais pour conclure, c'est ça, c'est rappelons-nous qu'on n'est pas le 51e État des États-Unis. On n'a pas à vivre avec les caprices du président américain, peu importe lequel est son nom. Puis justement, ça, c'est une chose que je pense que si on a une affaire à se rappeler justement de gens chrétiens, c'est. Plate de dire ça, là, mais pas plate, mais c'est drôle de dire ça, mais c'est que, ben, effectivement, on n'est pas le 51e État américain, on est un pays à part entière, puis ben, on a un droit à nos. Puis là, je veux pas embarquer, là, j'entends les souverainistes que je connais me dire, ouais, mais tu sais, on n'en fait pas vraiment. Regarde, présentement, on est pris dedans, là, fait que peu importe notre opinion par rapport à la souveraineté, regarde. Faut dire avec la réalité aussi. C'est ça, tu sais, c'est bon. Ça, là. Justin Trudeau, c'est notre premier ministre, on n'a pas le choix. Bon, ok. C'est ça. Puis, ben, c'est ça. J'aimerais juste que notre premier ministre, là, qui travaille pour nous autres et non à éviter la confrontation avec le voisin du Sud. Voilà. Bon, c'est dit. Mm-hmm. Voilà. L'expression Trump chier dans un jeu de quilles. Moi, je suis sûr que lui, c'est plutôt une chatte dans un jeu de billes. Oh! Faut que tout se fasse aussi de façon progressive. C'est probablement ce que plusieurs oublient, là. C'est que tu peux pas nécessairement arriver là puis dire à Trump, Bob, fuck. C'est un peu plus difficile, mettons. Ouais. Non, c'est ça, mais il faut quand même... Tu sais, il y a une différence. Tu sais, je suis pas en train de dire... Tu sais, de l'envoyer promener non plus. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a nos intérêts. Exact. On n'a pas d'affaires à se plier aux intérêts des États-Unis. C'est pour ça que j'amène l'exemple de Jean Chrétien. C'est que ça a été un bel exemple de... Mm-hmm. On s'est pas plié aux désirs des États-Unis. On a fait non, nous autres, on n'a pas d'affaires à aller là. On trouve pas que c'est une bonne idée d'aller là. C'est ça, c'est une question de bien placer nos pions. Pis notre, c'est bien. Ouais, exact. C'est ça, exactement. Bah, peut-être dedans. C'était un magic moi, c'est genre un jeu d'échecs. Toi, tu ramènes ça à des choupes, des billes. terrible. La face de Mathieu. Terrible. Ça aussi, ça mériterait une photo. Écoute, merci, oui. Hey, si seulement. On va faire un Snapchat de l'émission, maintenant. Ah oui. Ah oui, assemblage Reiki. Bonne idée, Tania à mettre là-dessus. Oui, c'est ça. La fille aux réseaux sociaux, là. Hein? Oui. Merci, Seb Gartin. Ben, c'est moi qui vous remercie. On te retrouve, bonne année encore. Bonne année. Bonne oui. année. La semaine prochaine et toutes les suivantes, c'est ouais. toujours les mercredis à 7h30 environ vers les débuts de l'émission. Genre, quand on finit à bout de commencer, là, mettons. Genre, c'est ça. quand l'autobus est capable de te livrer oui, à la bonne heure. Merci. J'arrive à écart d'habitude. J'arrive à 37. Ouais. Ouais. Bref, tout ça pour dire que la musique de fond est terminée, ce qui veut dire qu'on a atteint 35 minutes. Bon ben, ah. on est fort. Merci ça. On vient en retour avec Tania Isugana Entertainia et puis plus tard on a Gabriel Béoud et Alfalfa le lutin. Tout ça et plus à l'assemblage requis reste. Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Slam Disc. Toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 11 janvier 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. est-ce que t'es prête à continuer là? Ben oui. Oui, parce que je veux dire... Ma discussion avec Seb est terminée ouais. maintenant. On aurait pu prendre une pause musicale, mais en tant que telle, l'émission est déjà assez en retard comme ça, qu'on va directement passer à ta chronique, Tania. Oui. C'est fun, hein? Tout voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain. C'est sujet court aujourd'hui, Tania, tu me dis? Oui, mais oui, quand même assez court parce qu'on a plusieurs invités, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de rétrécir un petit peu la chronique. Séparer tes sujets en exactement. Je vais peut-être revenir un petit peu plus tard, on va voir comment les choses se passent. Mmh. Mais hier, j'ai fait une petite sortie mon propre Facebook concernant un sujet qui est souvent ben, dans ma boîte de courriel. Un sujet qui te touche et un ouais. sujet qui se touche. Oui, exactement. Je vais pas en faire une grande histoire là parce que j'ai tout simplement décidé de pas viser personne en particulier. J'ai dit mon Facebook, ma page Facebook personnelle, que si le chapeau te faisait, tu devrais peut-être le mettre. Ben, tu sais, si tu te sens concerné par ce message-là, bien, premièrement, continue à lire ce message-là. Et deuxièmement, bien, sens-toi interpellé si justement le chapeau te fait. Mm. En anglais, on dit « if the shoe fits mm. », mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression, justement, « porter le chapeau ». Parce qu'on dit « si le chapeau te fait, mais ça racontera pas l'histoire du mais tout. Ça veut okay. dire quoi? Ben non, mais je pense pas... tu sais, c'est tout simplement en bref, que... Ouais, en bref, là, il y a certaines personnes qui croient. Bien, je vais mettre les auditeurs au courant, oui. vu qu'il y en a qui écrivent. Oui, mais c'est vrai. Ça, donc, ça vient avec le métier, apparemment. Exactement, hein? Surtout si tu es une fille, j'imagine. Oui, parce en que fait, ouais. Mathieu, tu dois pas recevoir ce genre de courriel-là par et j'ai eu beaucoup de co-animatrices à travers les années et il y en a beaucoup qui ont eu des commentaires comme ça. Là, exactement. Donc, ouais. donc j'ai tout simplement sorti hier sur Facebook parce que ça fait déjà quelques mois. Toi et moi, on s'en parle souvent parce que, bon, on passe notre temps ensemble. Et c'est simplement le fait que, ma voix passe à la radio, mmh. mon visage passe à la télévision parfois. Donc, les gens se sentent quand même assez interpellés sur le fait qu'on peut croire à un certain moment qu'on connaît bien la personne qu'on entend souvent. Ouais. Tu sais, si vous nous écoutez à tous les matins, vous entendez ma voix tous les matins. Donc, automatiquement, certains se disent qu'ils ont une certaine proximité avec moi. Donc, ils peuvent t'écrire. Exactement. Il y a des gens qui m'écrivent pour me supporter, me dire que je fais un excellent travail ou que ce que j'ai dit, c'était complètement stupide. C'est correct. Ça vient avec le travail et c'est le fun surtout de se faire supporter comme ça. Mais, j'ai dit que si le chapeau vous faisait, vous deviendriez peut-être le maître. C'est que si jamais vous entendez ma voix ou vous voyez mon visage à la télévision, ça vous donne aucunement le droit d'écrire de 4 à 5 fois par semaine que vous aimeriez soit tromper votre femme avec moi, soit que je dois vraiment être bonne au lit selon la voix que j'ai à la radio, ouais. ou encore que vous êtes touché à un certain moment en pensant à moi ou en m'écoutant. C'est les radios Bluetooth waterproof. Hein, exactement. Parce que non, ça flatte aucunement l'ego d'une animatrice radio ou l'animatrice télé. Je sais pas comment tu peux penser ça, en fait. C'est juste vraiment dégoûtant. C'est insultant. S'il vous plaît, même si on n'est pas amis sur Facebook, sur mon Facebook personnel, le message que vous allez envoyer, je vais le voir pareil. T'sais, il va atterrir dans ma boîte de courriel. Donc, à ce moment-là, que vous vous dites, c'est pas grave, on n'est pas amis, t'sais, j'ai pas une proximité avec elle, je le vois, je le lis, ça m'écœure. Donc... Mais cela étant dit, les filles, vous pouvez m'écrire. Oui, c'est ça, si jamais vous voulez dire la même chose à Mathieu. Donc, c'est tout simplement pour ça que hier j'ai fait une sortie, parce que c'est arrivé à plusieurs reprises et pas seulement une seule personne qui m'a écrit ce genre de message-là. C'est aucunement touchant, là. Si c'est votre façon de cruiser, revisitez-la, parce que, tu sais, ça fonctionne pas. Automatiquement, je ne suis pas portée vers des gens qui ont le double de mon âge, qui ont des enfants et qui ont des femmes, automatiquement. Donc, si vous me dites en partant que vous aimeriez tromper votre femme avec moi, je trouve ça vraiment, premièrement, disrespectueux envers votre femme. Irrespectueux. Envers votre femme, aussi envers vos enfants, et clairement envers moi aussi. Donc non, ça me touche pas, mais ça me dérangera pas non plus de vous le dire. Si jamais je vous réponds de façon comme vous m'avez écrit, soyez pas surpris. C'est ça. T'sais, dites pas que je pète une coche de façon exceptionnelle ou je devrais pas prendre un compliment de cette façon-là, parce que ce n'est pas un compliment. Tu leur as répondu, puis ton... Oui, exact. J'avais pas vu ce bout-là. Donc, tout simplement pour dire que je voulais parler de l'expression « porter le chapeau », parce que hier, j'ai pas voulu mettre la faute sur personne, j'ai pas voulu viser personne personnellement. Je me suis fait dire, écoute, tu devrais tout simplement faire des captures d'écran poster ces messages-là pour qu'on voit les gens exactement, ou peu importe. Et j'ai tout simplement répondu à la personne, non, parce que mon intention est pas de détruire une vie de couple ou de détruire une vie d'enfant face à son père, ou peu importe. Et souvent, ce sont des gens qu'on côtoie quand même. Mais peut-être pour sensibiliser les gens, de montrer les messages que tu reçois, ça pourrait montrer genre à tout le monde, puis là les gens pourraient commenter sur le fait que c'est dégueulasse, puis la personne pourrait se sentir un petit peu... Bien, les extraits que j'ai sortis hier dans mon espèce de coming out ou de témoignage sont des vraies choses qu'on m'a dites. Je ne les ai pas changées. Donc automatiquement, j'ai eu beaucoup de réponses genre « Arc, c'est vraiment dégueulasse ». Et c'est public, le message est sur ta page publique? Oui, je l'ai mis il n'est pas encore sur Tania Baudin public, mais je l'ai mis de façon publique sur ma page privée. D'accord. Donc si on n'est pas amis, vous allez le voir c'est directement. C'est Tania Baudin privée. Exactement. Donc j'ai tout simplement décidé de dire, écoute, si le chapeau te fait et si tu te sens interpellé par ce message-là, porte-le. Mmh. Parce que peut-être que tu te sens pas interpellé ou que tu dis que tes mots ont pas été aussi loin que ça. Sauf que au final, tu l'as pensé, tu sais. Donc il y a certaines choses, il y a certaines personnes qui se sont senties interpellées parce que j'ai eu des réponses par rapport à ça. Ouais, hein? Donc je voulais tout simplement De ces gens-là. Ouais. Oh, cool. Je voulais tout simplement en fait venir à l'origine de cette fameuse expression est-ce porter qu'on le chapeau. S'y rendre en parler, ou, oui, exactement. Mmh. Porter le chapeau ou tu sais quand on dit si le chapeau te fait, mais là ça vient d'où cette espèce d'expression-là? Ouais. Parce que en théorie qui dit que tu sais de porter un chapeau, c'est de faire porter quelque chose de gros à quelqu'un ou peu importe. Mm-hmm. Donc, en premier lieu, ici au Québec, on dit si le chapeau te fait, mets-le. Mais à la base, l'expression, c'est porter le chapeau. Ça vient de l'Europe. C'est vraiment de devoir porter un chapeau qui, à la base, est arrivé aux alentours de 1669. Et de mettre un chapeau sur la tête de quelqu'un, ça voulait simplement dire être médire de lui, le réprimander, nuire à sa réputation, ce qui est encore un petit peu le cas avec si jamais le chapeau te fait, mets-le. Parce que bien souvent, la chose que tu vas dire par rapport à ça va souvent être négative. Mmh. C'est rare que tu vas dire quelque chose de positif à quelqu'un en disant si le chapeau te fait, mets-le. Parce que si c'est un compliment ou si c'est quelque chose qui a un bon côté, tu vas tout simplement lui dire de façon personnelle. Tandis que bien souvent, quand on va dire écoute, si le chapeau de fée, mets-le, ça va être négatif parce que tu veux que cette personne-là se sente interpellée sans nécessairement devoir lui dire ben écoute, c'est soit ta faute ou c'est toi qui as fait ça. Donc, même si l'expression est arrivée très tard, en 1669, on en a vu vraiment l'utilisation juste vers 1928. Les gens avant ça n'utilisaient pas cette expression-là de façon courante parce qu'elle était connue par les gens qui étaient dans la haute société simplement, vu que c'était eux qui portaient les chapeaux. Donc, on connaissait la connotation, mais bien souvent, on savait pas du peuple normal, qu'est-ce que voulait dire cette expression-là. Donc, vers 1928, le lien avec la précédente expression est arrivé beaucoup plus couramment dans la vie de tous les jours. Et pour le premier sens, une fois qu'on a mis le chapeau à quelqu'un ou qu'on a laissé quelqu'un mettre un chapeau, c'est donc qu'il le porte, que sa réputation éternit. Et en temps normal, si on accusait quelqu'un d'avoir fait quelque chose, eh bien souvent, cette personne-là s'était attendue. C'était pas nécessairement vrai. Donc, souvent, vers les années 1928, si on disait faire porter le chapeau à quelqu'un, c'est que toi, tu avais fait quelque chose de mal, sauf que tu disais que c'était l'autre personne. Donc, il y avait cette connotation-là aussi de pas nécessairement dire automatiquement si le chapeau de fée, mets-le parce que tu voulais que la personne se sente interpellée. C'était aussi une façon de pas avouer ses propres torts. Tu te fais porter le chapeau. Exactement, de les mettre sur le dos de quelqu'un d'autre. Et bien souvent, on mettait cette expression-là, comme je l'ai dit, sur la haute société parce que c'était eux qui portaient les grands chapeaux et c'était beaucoup plus facile pour quelqu'un qui était du peuple normal de dire ben, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est par exemple quelqu'un qui avait une compagnie dans ce temps-là mais qui lui avait un chapeau, donc on faisait porter le chapeau à cette personne-là pour pas que la personne qui soit plus démunie ait à répondre de ses propres actes. J'aurais pensé que ça aurait eu rapport avec le chapeau d'âne. Tu sais, genre, porte le chapeau comme dans Jean, t'es stupide. Tu sais, le chapeau d'âne. Ouais. Mais non. Mais ça s'est aussi développé beaucoup dans les temps où que les gens avaient commencé à porter la casquette. Donc, les gens portaient la casquette ou portaient tout simplement pas de chapeau. Donc, automatiquement, si tu disais « Ah, tu devrais porter le chapeau », c'est que tu étais interpellé parce que tu étais quelqu'un qui avait des chapeaux, qui avait une stature ou qui avait une réputation quand même assez grande au niveau de la ville ou au niveau de où tu te situais. Donc, à ce moment-là, celui qui portait un chapeau avec une fonction sociale souvent élevée et les responsabilités qui venaient avec étaient grandes aussi. Donc, de pouvoir faire porter les responsabilités d'un geste à quelqu'un était beaucoup plus facile de le faire sur quelqu'un qui n'était pas nécessairement côtoyé tous les jours. La récupération de l'association aussi a contribué à faire le lien entre celui qui était responsable d'une faute, mais aussi celui qui était tout simplement porteur de chapeau à ce moment-là, parce que souvent les gens se faisaient accuser à tort. Ils étaient comme, ben là, je comprends pas qu'est-ce qui est fait. Là, ils se faisaient dire, ben tu portes le chapeau. Tu sais, on disait cette expression-là automatiquement pour pouvoir mettre la faute sur quelqu'un. Donc, on a réussi à déconstruire un petit peu cette expression-là par après pour en venir vraiment à pouvoir démystifier qui devait vraiment porter le tort sur une situation qui s'était produite. Donc, à l'époque, c'était vraiment lié à la réputation d'une personne, mais souvent dans une haute société. Donc, une première indication qui était que sur le statut social, comme je le disais, et que le chapeau représentait un simple accessoire. C'était banal. Fait que le geste que tu avais commis, à tes yeux, était banal. Tu pouvais le faire porter par quelqu'un d'autre. C'est souvent ça qui était sous-entendu dans ces temps-là. Et c'est un petit peu comme ça que ça a découlé de dire à quelqu'un, mais si le chapeau te fait, mets-le. C'est que bien souvent, aux yeux des gens, ça va sembler banal. Tu vas dire, mais non, j'ai jamais fait ça. Mais à un certain point, tu devrais probablement te sentir interpellé par la situation parce que ton geste, à tes yeux, est banal. Sauf que c'est toi qui en es responsable. Donc, on ne met plus nécessairement la faute sur quelqu'un d'autre, mais on fait tout simplement réaliser à la personne qui a fait quelque chose de mal qu'elle devrait elle-même réaliser que son geste ou ses paroles ou peu importe ce qui est arrivé était quelque chose de connotation totalement négative. Et la page de Yves de Choufit sur wiktionary.org nous dit... nous rappelle la phrase « Si ça ressemble à un canard, si ça nage comme un canard et si ça cancane comme un canard, c'est qu'il s'agit sans doute d'un canard. » Bien, ici, on dit si le chapeau te fait, mets-le. En Europe, on dit porter le chapeau. Tu devrais porter le chapeau pour cette situation-là. Mais par exemple, en Allemagne, on va dire donner la pierre noire à quelqu'un. Okay. Donc, c'est plus le même objet du tout, mais ça veut dire exactement la même chose. En Espagne, on va payer le canard. Donc, je ne sais pas pourquoi on va dire ça, mais on change encore une fois d'objet. Aux Pays-Bas, on va dire qu'on va être la bobine ou la canette. Wow. C'est-à-dire qu'on va être reconnu comme coupable de quelque chose qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, donc on va être la bobine, la canette, et c'est nous qui allons être responsables. Ou en Roumanie, on retrouve le chapeau, mais on va tout simplement dire qu'il va y avoir mouche sur le chapeau. Ah, c'est cute! Ce sont des expressions qui veulent dire exactement la même chose, mais qui n'ont vraiment pas la même expression, tout simplement. Voilà. On parlait de l'expression « si le chapeau te fait, mets-le ». Merci, Tania. Ça fait plaisir. Et si tu veux me poser la question, pourquoi est-ce que ton fond a changé en cours de route? Ouais. J'ai remis le fond. Ça m'a donné l'occasion de ramener la chanson thème de la chronique « Sa plus simple expression » où Stéphanie Paradis nous parlait d'expressions et les expliquait pendant un an pendant son année d'animation. Donc, ça m'a donné la chance de ramener ça. On prend une pause. Au retour, Gabriel Béhoud va être là pour parler d'improvisation. On a les quiz de la huître. Restez là. Dans la zone 89. C'est fou! Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Slam Disc. Vous écoutez Assemblage Requis en ce mercredi 11 janvier 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Le mais aussi un homme barbu à côté de moi. Un barbu hey, qui salut. Siffle. Salut. Oui. T'es capable de siffler malgré ta barbe. Ouais. Même si elle est pleine de biscuits soda et les biscuits soda empêchent de siffler. Ouais. Ouais. Elle est pleine de biscuits soda? Ouais. Oh, c'est mon repas préféré. Avec de la soupe, tu sais. Ouais. Ça c'est vraiment bon. Avec du beurre de peanut. En miam, mais ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça, hein. Ah oui, c'est bon. Le sucré salé. Ah, oh, c'est carré. T'appuies, là, puis t'as les petits filets de beurre de peanut qui sortent. Ah, Nutella aussi, c'est vraiment réussi, ça. Nutella, j'ai essayé. Vraiment, là. Ou du duo peanutty. Oh, mais là. Ouais. Ah, t'es dans bien fou. Pas riche, le moins. Ouais, c'est ça. Canne de ragoût, c'est chiant. C'est ça. T'as réussi à t'en venir. Oui. Malgré la température. Ouais. Il y a moi, j'aurais pris, magique. J'aurais pris encore de la tempête. Ouais. Ah ouais? À la place de ça. C'est quoi ça? La température plate. Là. Plate. Slusheuse. Oui. C'était pas slushé ce matin à 6h, en tout cas. Glissant. Non, c'était ça juste devait. Très glissant. Ça mais devait. C'est parce qu'il fait pas froid, hein? Fait que non, là, la glace, elle est comme pas restée. Exact. Bref, c'était notre bulletin météo. Comme toujours, tantôt, on a fait le bulletin actualité, on a fait le bulletin météo. Les sports, plus tard, peut-être. Il annonce 23 aujourd'hui pour les gens qui l'écoutent. Là. Fahrenheit. Oui. Non, maintenant, c'est la section culturelle. Ah, oui. Oui, voici la chronique dans les coulisses de la Luître. Hey, Mathieu Plante, ça va bien? Salut, Gabriel, oui, toi? Oh, fantastique. Colin, c'est le fun, ça? Oui. Hier, on était là, avant-hier, on était là à l'huître, puis on riait comme ça. Ah, oh, oh. Est-ce que c'était vraiment drôle ou c'était faussement drôle? C'était particulièrement drôle, ouais. Un match là, vraiment adorable qu'on a eu lundi soir, 20h, entre les oranges et les verts. Pas gâché de punch, mais c'était serré. C'était serré jusqu'à la fin, ouais. En fait, et tellement serré que ça a amené à un imbroglio dont on parlera tout à l'heure. Incroyable. Et c'était donc le premier match de 2017. Oui. Le premier depuis la mi-décembre. 2016. Oui. Le dernier, c'était l'an passé. Ça, Dans le temps, là, ouais. Je m'en souviens comme si c'était il y a un mois. Ouais. Environ. Même pas. Et on avait parlé de ce match-là, on était venu. Oui, bien sûr. On ne reviendra pas en arrière trop longtemps. Non. On va juste aller entendre notre reporter sur le terrain. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est le retour de Gabriel Boutant-Tréhoud. He's back. Avec lundi soir, le matin. Allez, allez, allez! Vous écoutez lundi soir, le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Mon nom est Gabriel B. Wood et je suis votre reporter sur le terrain qui couvre les activités de la LUITRE, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Et j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2017 et je laisse place au match qui opposera les oranges aux verts. Maintenant, face à face. Face à face. Ah, je suis avec Marc Lachance de l'équipe des verts. Marc, est-ce que tu te considères chanceux d'être en 2017? Ça fait longtemps que je me considère plus chanceux. Les gens ont trop fait de jeux de mots avec mon nom de famille. J'avais 12 autres questions sur le thème de la LOC, mais Marc... qu'est-ce que tu entrevois pour la deuxième moitié de la saison de la LUITRE? Pour vrai, plus de plaisir. Je pense qu'on est rendu là l'hiver. On a découvert qu'on n'avait pas besoin nécessairement de prendre les devants. On a découvert notre petite faiblesse que je ne dirais pas ouvertement à la radio. Donc, cette année, je pense qu'on peut se laisser aller beaucoup plus. Ça va être un premier match pour essayer des nouvelles choses, mais maintenant, on a tous enlevé une bonne partie de poids de sur nos épaules. Puis, en tant que comme tous les joueurs réguliers, même notre substitut a eu cette chance-là. Fait que, je pense que c'est une bonne avancée qui nous attend. Merci, Marc, et bonne chance dans, en tout cas, la deuxième moitié. Plaisir. Face à face. Je suis avec Monsieur Marchand de l'équipe des Oranges. Monsieur Marchand. Comment est-ce que vous envisagez la nouvelle année? Si j'avais un mot pour décrire la nouvelle année des Oranges, je choisirais Bill Boquet. On a lancé quelque chose dans les airs, on s'est tout lancé là-dedans, on n'est pas sûr de pouvoir attraper le coup, puis on va être pas mal en chute libre pour le reste de la saison, avant de s'écraser au sol. Sur ces paroles optimistes, j'aimerais te demander... qu'est-ce que vous pensez qui sera votre arme secrète dans la fin de saison à prévoir? Principalement des mitraillettes. On va emmener ça sur le stage, puis on va gonner l'autre équipe. En mon nom et à celui de tous les auditeurs, bonne année. À vous. Oui, bonne année à vous aussi. Alors, bon match. Je suis avec Francis D. l'emprunt. Francis, comment est-ce qu'on se sent après un match enlevant comme celui-là? Ben, je pourrais dire que j'ai beaucoup ri. On s'est fait beaucoup décrocher, puis c'était bien drôle. Surtout embrasser Jonathan. C'était une des premières fois que j'embrassais Jonathan, puis je recommencerai, je pense. Francis, il y a eu beaucoup de choses homosexuelles. J'ai rien contre ça, mais je me demandais pourquoi. Moi, je te répondrais avec « pourquoi pas ». On voit peut-être pas assez d'improvisation homosexuelle. Et Francis, comment attaques-tu la deuxième demi de la saison? Je l'attaquerai avec une grande épée niveau 8. Merci Francis et bonne chance dans tes raids. Ben merci à toi, puis toi aussi bonne chance dans ta voix. Faut crier comme Francis le matin. C'est pas ce qui m'arrive. On dirait que le monde est en train de changer. Je suis peut-être pas le juger. Pas le juger. Je t'ai imaginé. C'était wow. Le matin. Beau, hein? De c'est l'harmonie vocale. Beau, merci beaucoup, t'es merci. Trop fine. Donc, ouais, c'était notre reporter sur le terrain, Gabriel oui. Béhoud. Ouais. Un autre match palpitant entre les oranges et les verts. Les oranges qui jouent trois matchs de fil. Trois consécutifs. Consécutifs, mais tu sais, il y a des pauses parce qu'il y a eu Noël entre les deux. Oui. Mais ils ont joué le dernier match de décembre. Et ils joueront celui de la semaine prochaine. Et voilà, c'est incroyable comme horaire. C'est comme si c'était voulu de les épuiser pour les mettre en dernière position ouais. De la liste. On sait pas trop pourquoi. Il y a quelqu'un derrière ça? Ouais. Hein? On sait pas? Donc, le match de lundi, parlons-en. Allons-y. J'ai comme toujours ma feuille de résultats et de thématiques. Oui. Ça a commencé par une fusillade. Oui, oui, ça brise très bien la glace. C'est toujours très réussi. Ensuite, une improvisation qui s'appelait Avertissement. Watch out. Watch out. Louise Deschâtelet, encore une fois, des trois lettres. Trois titres de lettres de Louise Deschâtelet dans le journal Montréal. Oui. Et les équipes devaient choisir à tour de rôle. Ça donnait le thème, en fait. C'est quand même assez cool, ça. Parce qu'elle en reçoit du pas pire courrier, Mme Deschâtelet. C'est pas pire. Il y a eu là-dessus une confusion et un non-respect de la carte thème. Ouais. La pénalité, ça fait ses forts. Ensuite, fausse promesse. Ensuite, l'eau sur sa nuque, que j'ai compris comme l'ours suce sa nuque. Mais oui. Ça aurait été particulier, ça. Oui, c'était pas pire. T'as eu un décrochage majeur là-dedans. Ouais. Qui a ri? C'est toutes les verres. Moi, toutes les verres. Ouais, ouais. C'est un retard de jeu. Ensuite, fusion. Oui, c'était un show de cuisine. C'est vrai. C'était une catégorie show de cuisine. Les homosexualités qu'on a parlé dans la Ben, il y en a eu comme 4-5 impros consécutives où. Francis Dugré-Lampron faisait un personnage qui était à stéréotype gay. Ouais. Oh, ben, tu sais, quand on dit stéréotype, là, en gras, italique, caractère 72. Ah, ouais. T'as même Marc Lachance qu'on a entendu dans l'entrevue qui se pognait le mollet, en fait. Ça, c'était. L'arbitre a dit cuisse, mais. Je trouvais que c'était pas mal plus le bas de la jambe. C'était juste très particulier, ça. Ouais. C'était pas. C'était pas boivant. Ensuite, cynique et charmant. Oui. Page entière. Oui. Ça, c'est évidemment quand tu divises une page en trois, comme, voilà. Dis, comme gag, hein, c'est page entière. Moi, c'est ça que j'avais compris. J'avais compris ça, le gag. Littéraire sur les funérailles avec Jean-François Veilleux. Oui. On a eu droit à une impro, justement, imposée de funérailles. Mm-hmm. Ensuite, l'intrus. Ouais. Il y a eu un autre décrochage. C'était une catégorie qui était nouvelle, si je me trompe pas. Oui, explique-toi cette fois. Ouais. C'est une catégorie photo, en fait. Donc, on a une minute pour mettre en place une photo. Et puis la photo. Personne bouge. Les gens arrivent sur la scène, font une pause. Ouais. Mais bouge pas. Moi, j'ai trouvé ça un peu long, une minute. Oui, mais 30 secondes. C'est tandis, ouais, ça peut être intéressant comme truc parce que les gens arrivent progressivement dans la photo, comme une photo qu'on développe. Et à la fin, un intrus arrive. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça m'a fait penser à la guerre des clans dans le temps de Luxembourg. Tu sais, ouais. Les familles étaient derrière leur. C'est vrai. T'as vu ça? Tout le monde faisait une pause de même, ça. Ouais, faisait des pauses yo. Bref, faut essayer des nouvelles impros pour voir s'il y a des petites modifications certain, à faire. J'apprécie la nouveauté. Henri de Moncton était la prochaine improvisation. Ouais. Ensuite, Punch Out. Ouais. Avec un punch imposé pour. la sortie. Dans le fond, c'est l'impro devait expliquer le punch, qui était quand même assez comique. Disons, exemple, une équipe va dire, bon, c'est pour ça que Francis Dugré-Lampron parle fort. Ouais, et ça a été l'improvisation des Oranges, et c'était particulièrement drôle. On a appris que Francis... Il était très gêné. Ouais, et il se faisait battre par ses parents parce qu'il parlait pas assez fort. En tout cas, c'était joyeux. Là, au lit aussi, à un moment donné, il se faisait dire « Ah ouais, dis mon nom plus fort! » C'est ça, exact. Très drôle. Ensuite, une improvisation Harlequin avec un petit extrait, un peu comme une impro littéraire traditionnelle, mais où elle lisait Véronique Gagné un extrait de roman Harlequin. C'était très drôle. « Entre mes mains ». Et puis finalement, la dernière improvisation, en fait... a eu comme un genre de... Il y a eu une petite twist à la fin du match. Un hiatus étant donné un hommage. Oui, un hommage très important à Louis-Étienne Villeneuve, mm-hmm. qui a, en fait, qui a tout raflé quand il jouait à la Luître. Là. Quatre fois de suite joueur de l'année. En quatre années, oui. Mm-hmm. Et puis, non... Maintenant, il est coach pour la Luître. Exactement. Il suit dans des... Donc, c'est ça fait 3 ans qu'il organise aussi, qu'il prend part à l'organisation de la journée des journées de recrutement. Ouais. Il coach aussi la Luître dans plusieurs tournois. Mm-hmm. Donc, non, c'est un très bon mentor pour la Luître. Et puis, ils ont souligné son génie. Ils lui ont remis deux plaques. Une plaque faite soit à la main ou par les élèves de Célane Dodier-Côte, joueuse des Oranges. Et une plaque officielle. Ouais. Exact. Puisque les deux autres cofondateurs, Pascal Chalet-Janson et puis Max Tanguay, avaient, eux, reçu des plaques, mais pas l'ESCO. Donc voilà. Il fallait bien terminer. C'est ça, on boucle la boucle. Le bouquet, voilà. C'est gentil. C'est très fort. C'était très beau. Et après avoir eu tant d'émotions avec ça, il a fallu que j'annonce. Qu'il y avait une prolongation. Que finalement, c'était tellement serré parce qu'on avait utilisé le prétexte que c'était serré pour faire venir Maxime et Pascal sur la scène pour compter les votes. Incognito. Pour que ça passe incognito. Et finalement, c'était vraiment si serré que ça que ça a fini, que c'était 8 à 8. Donc on devait les partager ça. 8 à 8 pour les verts et les oranges. Et les oranges, exactement. Oui, ben, en fait, c'est 8 pour les oranges. Puis 8 pour les vases. C'est ça. Je veux dire à l'endroit. Donc, on a fait une dernière improvisation très, très rapide. Je crois que c'était 2 ou 3 personnes qui ont fait des filiales. Exact. D'habitude, c'est 4. D'habitude, c'est 4, mais pour il était déjà tard. Il était déjà en petit zéro. On a décidé de... Et bref, finalement, la dernière improvisation était remportée par les Verts. Oui. Donc, ça fait 9 à 8 pour les Verts. Exactement. Donc, encore une fois, un match très serré cette année, Mathieu. Ouais. Tous les matchs jusqu'à maintenant sont... Ouais. Il y a peut-être eu une volée cette année. Ouais. Puis c'est tout. Ça va très bien pour les Verts. Non, c'est bon. Je pense que le show est bon. Une bonne année d'improvisation qu'il faut visiter tous les lundis soirs. Oui. À 20h à Chasse-Galerie. Exactement. Ça coûte combien, non? Ça coûte... Zéro. Il faut pas oublier le ouais, ouais, c'est vrai, excusez. La semaine prochaine, il y aura un autre match. En fait, ça continue notre mois de janvier avec un match, encore une fois, avec les Oranges ainsi que les Rouges. Oui. Ce sera le dernier match régulier avant le Carnaval. Ouais. Qui aura lieu le 26, c'est un jeudi. Ouais. C'est en après-midi, là. Je vois que le site marque 19h, mais c'est à quelque chose comme 16h. Ouais, le match du Carnaval, ça devrait être en fin d'après-midi d'habitude. Voilà, on vous en reparlera de toute façon dans la fin de la semaine prochaine. Bien sûr. Et après, le mois de janvier va se compléter avec les Bleus et les Verts. Beau mois de janvier avec 3 matchs normaux et un match très, très, très long, un genre de 3 heures, le Carnaval. Ouais, c'est un marathon, le Carnaval. Mais d'habitude, ça laisse place. Il y a quand même du fun à voir, là. Tout à fait, c'est très fun. Ouais. Et c'est ouvert au public. Oui, définitivement. C'est ouvert à tout le monde qui participe au Carnaval. Ouais. Parfois, on a des belles surprises, comme parfois, on a des beaux moments où on se dit... Qu'est-ce que je fais ici, moi? Ça fait apprécier les autres matchs d'impro quand ils sont pas drôles. Ouf. Mais c'est rare. Je veux dire, en tant que tel, les joueurs qui sont envoyés pour jouer ont bu, donc sont drôles des fois par défaut. Par la bande. Ils font des jokes de pets. Les jokes de pets, c'est quand même la fin des fois. Oui, c'est... moi, je trouve ça drôle. Beaucoup de baisers, encore une fois, intermasculins. Oui. Francis Dugré-Lampron va se sentir à sa place. Oui. Ah, il va y avoir du feu sauvage, là, mon ami. Oh, wow. Là. Ça va être incroyable. Il va sortir le... Comment on appelle ça? Le Midinex? L'Abreva. L'Abreva? Ouais. Moi, ça. C'est ton lipsil préféré? Oui. Est-ce que t'es capable d'avoir un corps gras ses lèvres? Ah! Mais moi, je comprends pas, c'est ça. Je comprends pas le genre de fad là, pour les lipsils ou quoi. Ah, je suis pas capable. Depuis. Moi, je trouve ça dégueulasse. Vraiment, c'est comme avoir la livre de beurre. C'est ça, tu sais, le blanc de coin de lèvres. Ouais, parce que jamais comment mettre comme juste le bon. Il faut. T'en as tout le temps trop. Voilà. Fait que moi, j'en mets jamais. Jamais, moi non plus. Sauf quand j'ai les lèvres ultra gercées. Ça m'est arrivé une fois, puis ça s'est réglé après une seule utilisation. Ah, ouais. Avec le médicament. Chanceux, toi. Ouais, pas pire, hein. Tu t'en mets tout le temps. Tu les doigts, ses lèvres, ouais. Les piscines, ouais, souvent parce que j'ai vraiment des élèves qui craquent tout le temps, en fait. Ils sont tout le temps craqués. Tout le temps du boss à la craque. Gabriel. Ben non, mais c'est Mathieu qui a dit. Je sais. J'ai dit. J'ai entendu. Il y a de bonheur pour ce genre de choses. Vous avez donc l'esprit croche. Ben non, mais là. Franchement, ses lèvres sont tout le temps super sèches. Sacrifice. En tout cas, fait que c'est ça, tu sais, les petits chapsticks, là, c'est parfait. Ouais. Chapsdick, hein? Steak, évidemment. Steak? J'aurais même pas dû dire ça. Incroyable. Wow. Bref, sinon, à part de ça, l'improvisation, c'est autre chose dans ta vie? Ben, pas tellement. Mathieu, je voulais vous dire. Ah, je le sais. C'est avec un... J'aurais pas dû te demander ça. C'est avec un regret immense. Non, qu'est-ce que... Je dois vous annoncer que j'ai contracté... Quoi? Un stage. Ah! Ouais, non, je suis en stage cet hiver, donc je ne pourrai malheureusement plus venir... Avec des petits morveux? Ben, des... Pas si petits que ça, des okay. secondaires 5. Oh, OK, quand même. Ouais, ouais, des... C'est ça, c'est la différence, ils sont plus morveux, ils sont poteux. C'est ça, mais c'est... Bon, en tout cas, c'est comme deux dynamiques très différentes. Entre secondaire 1 et 5, là, ils vieillissent énormément. Mais t'es une mauvaise influence pour eux, là, non? Non. Est-ce que c'est quelle matière tu enseignes? Le monde contemporain. Oh. Et boy. L'environnement social. C'est sûr, il va tout arriver. Et l'initiation au monde de la consommation. De la consommation? En plus! Non, mais c'est comme le cours d'économie qui s'appelle okay. comme ça. Ah, OK, c'est le nouveau cours d'économie. Ouais, fait que... Je sais pas comment qu'ils vont... Gab va leur apprendre combien vaut un kilo, aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, dans la vraie vie, il est sûrement complètement normal. Oui, probablement. Mais on a de la misère à l'imaginer dans un restaurant. C'est que j'ai probablement que le nombre d'années de différence entre tes élèves et toi est moins grand genre que quand nous, on allait à l'école secondaire. Ben, pas tellement. Moi, je te dirais, c'est quelque chose en enseignement. Moi, je suis un peu dans les doyens de ma porte, là. Il y a peut-être deux autres plus vieux. Parce que j'ai pas eu un cheminement typique. Ah, mais il y a du monde qui tombe en stage 4 et ont genre 22 ans. C'est fou, hein? Ça, là, c'est il y a 3 ans de différence, parfois. Tu sais, mais ça, nous, nos stagiaires, quand on allait au secondaire, puis ça, ils étaient vraiment vieux. T'avais l'impression qu'ils étaient vieux. Ouais, que c'était un vrai prof. Ouais, mais cet après-midi, je m'en vais me faire des tatous dans la face, puis demain, je m'en vais m'acheter un compte un en cuir. Un polo, que... puis une chemise. Non, compte en cuir. Compte en cuir, tatou, je fume dans la classe. Ça va imposer le respect. Wow! Ils sont mieux d'écouter, laisse-moi te le dire. Ils sont chanceux. Ils sont très chanceux. C'est où? Est-ce qu'on peut les saluer? Il n'y a pas le droit de s'en publier quand t'as ben, tu as peut-être pas le cas, mais ça va être à Drummond. Okay. Ah, OK. Bon, on salue les élèves de Drummond. Exact. On a un satellite, là, UQTR. Ouais. Donc, ça, c'est cool parce que moi, je vais pouvoir écouter C'est Fou le matin en me rendant. Tu vas pouvoir nous faire des petites capsules quand même. Tu vas continuer de faire le soir. Oui, probablement. Probablement, espérons-le. Sinon, on va mettre quelqu'un d'autre là-dessus, mais on veut pas te perdre. Non. Si tu t'en vas, quelqu'un va prendre ta place, mais après ça, c'est dur de t'en remettre. C'est comme nos grands-parents. Oui, ils marchaient dans la neige pour venir. Non, on veut pas les perdre. Ah! Oh. Parce que c'est difficile à remplacer une mamie. Oui, c'est sûr. Le jambon sera plus jamais pareil. Et ouais. Nos doyens. Ouais? Nos doigts. Pas nos doigts. Non, mais... je pensais que tu revenais là-dessus. Mathieu, il est obsédé. Oui. Il a dit tantôt qu'il voulait recevoir le genre de message que je reçois, mais de la gente féminine. Fait que... Des messages osés. Des photos, des... Tania a reçu un message, genre, plusieurs messages, 5 fois par semaine, genre, d'un vieux chromo qui se touche dans la douche en écoutant la radio avec son Bluetooth dans la douche. Quoi? J'invente des détails là, qui sont sûrement pas vrais. Mais... Ouais. Un monsieur qui t'envoie des photos de son satchel. Celui-là? Peut-être pas, là. Ça arrive. Son satchel. Le Mathieu, il était triste parce que lui, il en reçoit pas. De filles, attends. Ouais, de filles, pas d'hommes, là. Ouais. Donc, j'ai demandé à nos auditrices de donner du pep, puis d'en envoyer à Mathieu. Le numéro est en bas de l'écran. Oui, voilà. Oui, exact. Merci, Gabriel. Hey, ça fait plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine. Je te garderai toute la fin de l'émission pour pouvoir en profiter le plus avant que tu t'en ailles. Ah, mais non, mais faut que j'aille acheter un recueil de textes. Fait que j'ai mis 12$ dans le parcomètre pour être sûr d'avoir assez d'argent. T'en as pour toute la journée, tu sais, hein, avec 12$, je pense. Ouais, je sais, mais non, c'est pas vrai. Mais c'est surtout que la maudite file des... On parle des vraies affaires, matin. C'est ma opinion, oui. C'est encore ça, on parle des vraies affaires. Penses-tu qu'on prend une pause sur un feu? Ah non, t'as raison. Non! En tout cas, je dois aller acheter un recueil de textes, puis ça va être long. Fait que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça à la même heure, en même temps que toi. Ben, je sais pas, par exemple, un matin. Un matin, je pense pas qu'il y ait grand monde. D'après moi, c'est pas si pire. Vu la température, ça va peut-être jouer c'est de ton. Il faut faire attention, ça peut être glissant. Ça va dépenser un autre 12$ pour genre un repas à cafétéria. T'as pas grand-chose pour 12$ avec non, c'est ça, attention, un satchel. Un satchel. Je vais m'en aller avant d'exploser. Merci, Gary. Fait qu'à la chasse-galerie, maintenant, tu pourrais avoir deux repas pour ça. Avant de m'en aller, j'aimerais savoir, avez-vous goûté? Ah, c'est excellent. Porc effiloché. Oh, wow. Mamma mia. Mamma mia. Il y a de la soupe, Gab. 2,50. Leur soupe est exceptionnelle. Zéro sur la soupe. Mais t'es donc bien con. On parle des vraies affaires. Mais où du trou de cul? Ça revient plus jamais sur le potard de Romanville. Salut. Salut. Gabriel Béhoud, correspondant pour La Luître, qu'on va retrouver, j'espère bien, avec ses chroniques dans les coulisses de La Luître. Et le sous-segment, lundi soir, le matin. Qui va le remplacer pour venir parler d'improvisation? Faut trouver quelqu'un, on n'a pas le choix. Oui, mais qui? Pas en parler moi-même, là. Je sais pas. Il y en a qui s'autonominent, mais qui sont déjà chroniqueurs pour d'autres choses. Ouais, c'est ça. Tu vas faire deux chroniques de suite? Ah. Eh bien oui! C'est Alpha! Eh oui, c'est moi! Allô, Alpha! Allô! Allô! Hey, Alpha, il s'en vient tantôt pour une nouvelle chronique! Oui! Les enfants! Ouais! Restez là, là! Ok! Faut que je m'en aille, là, vous? Non, mais non, c'est ça. Okay, c'est juste prendre la pause. Ah, ok, je prends c'est la pause. C'est une pause. C'est super zen. On revient après avec toi. Tu peux faire des jeux, là. Tu peux regarder dehors. Moi, j'ai plein de jeux de société. Je les ai apportés. Cool. On prend une pause au retour. Alpha, Alpha, le lutin. À son âge, qui reste là. Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Slam Disc. Toujours à Assemblage Requis, on est mercredi 11 janvier 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Alpha le fuck, s'en vient tantôt. Oui! Tellement le fun, il est encore texté, mais c'est pas encore à tantôt. Ok. Prends ton trou. C'est correct, je vais aller aux toilettes. Fais comme Trump. Prends ton trou. Non, mais lui, il prend pas le sien. Je suis pas capable de le faire. Au retour, ce sera donc Alpha Alpha. Mais avant ça, je vais construire une petite pièce musicale comme on n'a pas entendu de musique depuis comme une heure et demie. T'as bien raison. Donc, écoutons Duo Tang avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est Karma Needs to Come Around. Ah, son la joie. Like the one in my head. Tang et Carmonies to Come Around sur le palmarès anglophone qu'on a entendu pour la première fois hier au palmarès Sifu, qu'on a bien aimé. Maintenant, on l'a dit tantôt, on l'a dit plusieurs fois, ça arrête pas d'attendre. Vous allez entendre les mains, les grelots de Noël. Hey, ça, on l'entend plus souvent au royaume, hein? C'est Alfalfa le lutin! Ouais, ouais. C'est tellement fun de te revoir. On t'a eu en décembre pour parler dans des petites chroniques qui étaient préenregistrées. Oui, oui. On a vraiment sur ça. Les jeux de... Est-ce que vous avez eu des commentaires là-dessus? Oh, ça, oui! Ça pleuvait de commentaires. Oh, je sais pas si le monde a essayé les jeux. Si vous les avez essayés, vous pouvez envoyer des commentaires pour que je puisse faire des meilleurs conseils. Oh, hein? Ça serait une bonne idée. La page Facebook d'Assemblage Requis est là pour ça. T'as pas encore fait de page hein, pour toi? Non, je connais pas vraiment les médias sociaux. Ah, t'es trop jeune, hein? Mais le Père Noël, il essaye vraiment fort, là, de m'en faire une. Ça va peut-être venir, là. Ça va peut-être venir. Vous allez avoir le temps, de toute façon. Oui, vous devez tomber en congé. On est en congé, là, à partir d'aujourd'hui. Ah, on est le 11? Oui, on est 11. Ah oui, c'est parce que là, on a nettoyé toute l'usine, là. Ça a été long. Ouais, le 11 est la date. Ben, c'est parce que, dans le fond, c'est à peu près une vingtaine de jours, là, de nettoyage, puis là, de finir les listes, puis de cocher tout ce qui était distribué, là, ça a été quand même long. Puis de réétudier les vieux jouets, là, qu'on n'a pas réussi à passer, là. Ah, OK. Fait que oui, on a quand même fait des dons de charité, c'est ça? Ah, oui. Comment est-ce que le Père Noël fait pour savoir qui a été gentil puis méchant? Ben, c'est vraiment, là, il y a comme une boule de cristal gigantesque, là, puis ça rentre tout seul. Il n'y a rien besoin de ça faire. Ça bédaine, non? Non. C'est ce que sa femme a dit, le Père Noël. Est-ce que tu es proche du reste de la famille? Est-ce que le Père Noël est fait? Ben, pas vraiment, là. Moi, je suis vraiment loin dans l'usine. Okay. Je suis quand même pas un vieux lutin, là. J'ai juste comme 125 ans. C'est jeune pour un lutin. Ben oui, parce qu'on peut vivre jusqu'à 450 ans. Oh! Puis on prend notre retraite vers comme 425, là. Ah, ils servent de vous autres jusqu'à la fin. Hein. Oui, mais c'est parce qu'il faut qu'on fasse des petits, qui ont dit. Ah, des petits lutins? Ah, des petits lutins. C'est pour ça que les lutins sont petits, c'est parce que chaque parent lutin a de plus petits lutins. Exact. Ben, pas nécessairement. Non, moi, je suis plus grand que ma maman. Ah oui? Ah oui? D'un pouce. Oh! Quand même. C'est déjà plus que c'est d'autres. Pas pire. Ben oui, hein, Tania? Ben oui. Mais là, je suis là pour des jeux, c'est pour ça que je suis là. Oui, jeu de société. OK, j'en ai deux. Okay. Hey, c'est toi qui vas choisir, Mathieu, c'est ça? Je prends le premier. OK, est-ce que tu veux un jeu drôle ou un jeu d'équipe? Ben là, ça peut pas être un jeu de rôle d'équipe? Non, t'as le choix, là. Est-ce que c'est un jeu de rôle ou un jeu de rôle? Un jeu drôle, D-R-O avec un petit chapeau. Un petit chapeau de Noël. Un petit chapeau, il va disparaître dans pas long de toute façon. Ouais, c'est ça le show magique, moi. Ça n'aurait pas. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça, le jeu de rôle. Drôle. Drôle. OK. Dans le fond, le jeu de rôle, il s'appelle Fou rire. Fou rire. OK. C'est un mélange entre le dictionnaire et... Normand Brathwaite. Non, l'hostie de jeu. Ah! On est à radio, là. OK. Le de jeu. Okay. Est-ce que vous en avez distribué beaucoup cette année, de ce jeu-là? Oui, mais on a surtout distribué les Denis Drolet. Oui, en fait, comme une expansion. C'est une bonne idée, ça. Oui, oui. Et il est très, très, très absurde. Un peu comme le monsieur qui était ici avant moi. C'est Gabriel Béhoud. Oui. On comprend pas ce gars-là, des fois. Des fois. Mais c'est ça, les Denis Drolet, non? Ben oui, oui. Oui, tout à fait. Il a la même sorte de barbe, en plus. Ah, ça se peut. Il est peut-être le troisième. Peut-être. C'est Gabriel Denis Drolet. Ah, ouais, le B veut dire Denis Drolet. Oui, c'est l'absurde. Exactement. Tout à fait. Comme ça. Donc pour finir, c'est un jeu. Et sur la carte, c'est écrit 3 petits points. OK. Pourrait se trouver dans son garde-robe, par exemple. Okay. Donc, tu imposes à une personne autour de la table. qu'est-ce qui pourrait se trouver dans la garde-robe de Mathieu Plante? Et là, tout le monde écrit de qu'est-ce qui pourrait se trouver dans son garde-robe? Et là, Tania, donc, attention à ce que tu vas et dire. Et là, et tout le monde donne une réponse. Et après ça, le monde va voter pour la réponse la plus drôle. C'est pas pire, ça. Donc, son alter ego pourrait être dans son garde-robe. Ou un petit personnage de Alfalfa dans son garde-robe. La différence avec le site-jeu, c'est que le site-jeu, c'est que tu matches des cartes pour faire le début et la fin. Alors que là, tu matches ton cerveau. C'est ça. Tu mets tout ce que tu penses. Tu le mets, whoop, sur le papier, puis ça y va. Fait que moi, j'ai eu plein de drôles de phrases, là, avec les autres lutins. Okay. Comme, qu'est-ce qui est plus gros que la main de, je sais pas, moi, de Rivabelle? Puis là, tu marques, mais clairement son frère. Ben, c'est drôle, là. Quand tu connais Rivabelle, c'est drôle. Oui, c'est ça, parce que Rivabelle, elle pèse comme, mettons, 25 livres. Ah, là. OK. Fait que, ben, c'est un bébé, là. Ah, OK, un lutin bébé. Oui, c'est un bébé, là, elle a genre 4 ou 6 ans, là. Ok, elle est toute neuve, là. Elle est toute neuve, là. Elle est sur Kijiji, on va sur neuf. Pas encore été usagé. Donc, ça, c'est fou rire. Donc, la soirée comme ça, et c'est au vote. Donc, c'est pas comme le de jeu où, parce que quand tu gagnes, ça continue à tourner, donc tu peux tout le temps gagner. Tu peux faire comme un blanchissage. Ok. Alors que de jeu, quand c'est toi qui gagne, tu ramasses ta carte, donc tu peux plus faire de points le tour d'après. Ouais. Donc, là, c'est ça. Donc, c'est un jeu qui est quand même drôle et qui se vend quand même à un prix raisonnable. Il va tourner autour d'une quarantaine de dollars. Et si vous êtes vraiment créatif, vous pouvez l'inventer de toutes pièces, là, en tant que tel. Parce que quelqu'un pourrait sortir une fine phrase. Oui, mais c'est parce que lui, il y a plusieurs twists intéressants dans le jeu qui permettent quand même plus de créativité. Okay. Alors que si on le crée par nous-mêmes, on tournerait toujours autour de nos passions et nos sujets à nous. C'est vrai. Alors, il faudrait se créer un grand cercle d'amis hein, comme nous, en hein, fond les lutins, avec chacun des passions différentes pour le créer. C'est pour ça qu'on est bon. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez fait? Oui, c'est comme ça qu'on l'a fait. En fait, ça a été fait par Ludique Québec, qui est une entreprise québécoise. Okay. Donc, on encourage les entreprises d'ici. Ben oui. Est-ce que vous essayez tous les jeux, les lutins? J'essaye beaucoup de jeux, mais moi, comme j'ai dit, je suis en confiserie. Hein. Fait que moi, ma plus grande tâche, c'est de manger des bonbons. Et cette année, j'avais 3 bonbons favoris. J'en avais un, c'était 3 bonbons japonais. Okay. Un aux poubelles. Aux poubelles? Oui, c'était comme des jelly beans. OK. Ouais, donc, il y avait poubelle, crotte de nez et popcorn. Il était vraiment bon. Je les ai mangés beaucoup trop. Lequel t'as préféré? Ah, popcorn. OK, oui. Je trouve ça dégueulasse, les jelly beans et popcorn. Ah, c'est, j'avoue, hein, ça goûte. Mais est-ce que t'as essayé les petites boîtes japonaises? Il y a sur Internet, c'est Tokyo Treats. Tu peux te faire livrer des bonbons japonais à chaque mois. Tu te triperais bien, hein? Oui, je pourrais essayer ça. Tu peux-tu? Oh, ben oui, tu peux livrer quelque chose au Pôle Nord. Ben oui, mais royaume du Père Noël. Est-ce que tu restes au royaume du Père Noël comme à l'année longue? Ben un petit peu là, il y a juste 2 mois par année où on va à Cuba. Ah ouais. Okay. Oui, on n'a pas d'embargo nous. OK. Non, le Père Noël n'a pas d'embargo, donc on va à Cuba là, puis pour se faire bronzer, pour avoir un petit teint. Comme vous pouvez voir, je suis un petit peu de un lutin. Mais est-ce que c'est vrai que le code postal c'est HOHOHO? Oui! Cool! Oui! Je pensais que c'était comme juste un mythe puis ça s'en allait à quelque part de par rapport. On a reçu des drôles de lettres des fois aussi. Ah oui? Oui. Ah, est-ce moi que, aussi. Est-ce que t'as quelqu'un qui t'a écrit genre 5 fois par semaine pour te dire qu'il t'écoutait puis qu'il souffrait en douche? Oui! Ouais. Il y a même une petite demoiselle, elle marque, elle a eu ses premières menstruations. Okay. Elle voudrait avoir des tampons. Ah! Fait que là, des choses comme ça, puis elle écrit tous les jours. Des presque. Tampons! Non, c'est pas drôle. Ça n'aurait pas très drôle. Merci. Mais, OK, j'ai un deuxième jeu. Oui, le jeu. Oui. OK, ça, c'est mon coup de cœur d'après Noël. Je suis vraiment déçu de ne pas l'avoir connu avant. Ça s'appelle Au feu, OK? Mais là, partez pas d'alarme. Il n'y a pas d'alarme. Il n'y a pas de feu ici. C'est entre guillemets, je cite. Il mouille même, fait qu'il n'y a pas beaucoup de feu. Je vois pas de... OK. Ah, mais tu sais, l'eau avec le feu, des fois, ça veut pas dire que ça va l'être. Oui, donc ça s'appelle Au feu et on est des pompiers. Et c'est un jeu coopératif. C'est un autre jeu qui vient d'être reprendre par une compagnie québécoise qui s'appelle Kiki Gang. Kiki Gang. Kiki Gang. C'est K-I-K-I Gang. Donc, c'est un jeu de mots correct, mettons. Et de calibre Mathieu Plante, hein? OK, on va continuer. Donc, c'est un jeu, on est des pompiers, on doit éteindre le feu. Mais on joue contre la plaquette. C'est comme on peut jouer à Candy Crush, mais sans les algorithmes informatiques. OK. Parce que c'est des dés qui déterminent le hasard. Okay. Donc, tout au long du jeu, on est tous des pompiers, donc on se bat contre le feu et il faut sauver des victimes. Mais là, il y a des fausses victimes puis il y a des vraies victimes. Fait que ça veut des fois que ton personnage traverse la planche de jeu, éteint comme tout le feu, puis il arrive là puis c'est une fausse victime. Fait que t'as tout fait ça pour absolument rien. Oh non! C'est pas fin. Fait que là, les autres pompiers doivent t'aider à tout tout le temps éteindre le feu pour que tu puisses sauver. Parce qu'on a des rôles particuliers. Donc, il y en a un qui peut sauver, il y en a un qui peut contrôler les autres joueurs, il y en a un. Fait que c'est vraiment un jeu coopératif. Il y en a un qui peut être dans les camions de pompiers pour éteindre les feux. Et que c'est vraiment super élaboré. Puis c'est vraiment des belles pièces. Il est quand même assez dispendieux. Il vaut quand même 40, des fois 50 dollars si vous le trouvez dans mais des. Mais si, il est le fun. Ben oui, mais oui. Moi, j'ai toujours perdu à date. OK. C'est vraiment difficile de gagner. Puis en plus, il y a 4 niveaux. Donc, il y a le niveau familial qui est comme quand on veut jouer avec des enfants pour les initier aux jeux de société. Après ça, il y a le niveau recrue qui est comme quand vous avez joué à quelques jeux de société. Il y a le niveau vétéran, là, faut être comme beaucoup de joueurs vraiment bons. Puis il y a héroïque. Là, héroïque, là. Faut que tu sois un vrai pompier. Faut vraiment que tu sois un pompier, puis t'aies compris le concept, là. Faut que tu sois le monsieur dans la douche, là, puis que son boyau est vraiment ça. Puissant. Alors, faut que tu sois là. Exact. Tu sais, c'est parce qu'au début, c'est facile, là. Tu peux même faire des parties parfaites. Donc, des parties parfaites? Oui, parce que tu sauves 10 victimes, puis t'en tues aucune. Ah, OK. Ah. C'est comme ça que tu gagnes. C'est comme ça qu'on gagne, c'est en sauvant des victimes. Mais c'est parce que. Toutes les fois que le feu se propage, il fait des dommages à la maison. Et on a seulement droit à 24 dommages. Pour vous donner une idée, on commence le jeu avec comme 24 dommages, puis en deux tours, nous, il en restait 4. OK. Oh, quand même. Quand le hasard est pas de ton côté, puis tu fais des explosions, là, parce que quand le feu tombe sur le feu, ça fait une explosion. Ah. OK. Donc, ça fait des ondes de choc de feu, là. Puis là, les murs pognent en feu, puis là, ça fait des dommages à la maison. Quand t'as 24 dommages, mais tous les pompiers meurent parce qu'ils sont pris en dedans. C'est donc triste, mon Dieu, c'est comme... Non, mais là, c'est meurt pas pour vrai, là, c'est des figurines. Ah, OK. Ah, ça vient avec des figurines, c'est pour ça le prix. Il y a des petites figurines de pompiers. Mm-hmm. Chaque pompier a une couleur avec une tâche. OK, parce que c'est ça. Il y a des cartes de tâche aussi. Au prix que ça coûte, il faut que ce soit beau, là. Hein? Oui, puis pour vrai, il y a une possibilité d'expansion incroyable, ce jeu-là. Ouais. Fait que dans les 5 ou 6 prochaines années, il va être fourré. Ah, cool. Donc, c'est un jeu de table. Ouais, un jeu de table. Puis on peut jouer jusqu'à combien? Jusqu'à 6 joueurs. Ouh, d'accord, quand même. Mais plus, le jeu était équilibré pour environ 4 à 6 joueurs. Donc si vous jouez à 2, je vous conseille de jouer plus qu'un pompier. Fait que, mettons, on joue à 2, moi je jouerais 2 pompiers. Ouais. Et toi, Tania, tu jouerais 2 autres pompiers. OK, je comprends. Comme, parce que sinon, on réussira jamais à battre le feu à 2 pompiers, là. Clairement, la ville de Laval, ils font même pas ça, eux autres. C'est sûr. La ville de Laval. Je me rappelle dans tes chroniques, pendant les fêtes, tu parlais d'un jeu, il y avait une version pour 6 joueurs, puis une version pour 8 joueurs. C'est un peu ridicule d'avoir 2 versions d'un même jeu. C'est bon d'avoir. Ah, oh, vous parlez d'esquissé. Oui, oui, tout le monde parle d'esquissé. En fait, j'ai entendu parler du jeu esquissé via ta chronique. Puis après ça, j'ai entendu d'autres gens parler du fait que ta chronique a parlé d'esquissé. Fait que tu sais, ça se propage. Esquissé, pour vrai, moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle. OK. Parce que si tu joues avec quelqu'un qui est pas bon en dessin... Ça devient allô? Assez cocasse. Je regarde Tania, je ne savais pas. Là. On se connaît pas encore. C'est ça. Donc, il y a une version qui se transporte plus facilement avec des plus petits dessins. Il y a une version avec des gros. Et la version avec des plus gros dessins, des fois, ça amène d'autres choses. Puis, c'est là que l'imagination des enfants est drôle. On va rappeler le principe un petit peu avant de trop explorer. C'est un jeu qui fait un peu comme le téléphone arabe. Ouais. Donc, première personne pige un mot dans une feuille. Sur une carte, il y a 6 lettres. Oui. Donc, tout le monde prend une carte et il y a des chiffres de 1 à 6. Okay. On brasse le dé et selon le dé, exemple, il indique 4, on prend le mot qui est associé à 4. Mais des fois, il n'y a rien d'écrit, donc c'est notre cerveau qui décide sur le dessin. Boy! Donc là, ça amène encore plus de... Puis il y a un côté qui est comme plus ludique, puis il y a un côté qui est censé être plus adulte, mais j'ai pas trouvé encore la différence. Ah, d'accord. À part que des fois, c'est marqué l'embargo américain ou des choses comme ça, quand même plus difficile à dessiner. Ça ressemble vraiment les deux côtés, là. Il y a comme un petit côté drôle, là. Mm-hmm. Puis c'est ça. Donc là, on passe le cahier toujours à notre gauche. Okay. Donc moi, exemple, je dois dessiner une chaussette sale. Donc j'écris chaussette sale et j'ai dessine une chaussette sale. On a un petit chronomètre de temps. Okay. Lorsque j'ai terminé de dessiner, on passe à gauche le cahier. Mais là, il est écrit 1, 2, 3, 4, 5 sur les feuilles. Donc quand Tania va ouvrir mon... Parce que Tania est à ma gauche pour ben ce qui oui, exactement, pas. C'est donc, ça. Tania, elle va ouvrir le cartable. Elle va voir le dessin de la chaussette sale. Mais pas le mot. Mais pas le mot. C'est pas c'est quoi. Il faut juste qu'elle regarde le dessin. Elle va juste faire comme, ben ça, c'est un bas. Fait qu'elle va écrire bas. OK. Fait que là, tu le passes à Mathieu, qui lui, il va dire, un bas. Fait qu'il va dessiner un bas de Noël. Fait que ben oui. Là, il va le passer à plein nombre. Et ça va revenir à moi, finalement, on va juste avoir marqué un bâton de hockey. Parce que tout le monde n'a pas vu le beau dessin à Mathieu, parce qu'il était pas beau son dessin finalement. Ah. Puis là, l'autre monsieur absurde, il dessine autre chose. Puis lui, il marque, mettons, joint. Puis là, il passe jusqu'à ce que ça arrive à bâton d'hockey à moi. Mais non. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a tout au début un cartable. Ouais. Donc d'accord. On part tout avec un cartable, puis on finit tout avec un cartable. Donc tu dessines à chaque tour. Il n'y a jamais de temps mort. Ok, je comprends. Ça a l'air fun, hein, à vous. Oui, vraiment. Puis pour vrai, il vaut vraiment la peine. Mm-hmm. Puis ce qui est drôle, c'est que des fois, mettons, il y a des places où il y a des démos, là. Entre autres, tu peux prendre des démos. robots pour les essayer, puis les regarder. Puis des fois, tu vois que le monde n'a pas de brin de talent. Oui, mais c'est difficile, là. Oui. Dessiné, là, c'est... T'as, mettons, 10 secondes pour écrire ce que tu penses que c'était. Fait que, mettons, tu pensais que c'était une chaussette. Fait que là, il va marquer « Bonne Noël mm-hmm. ». Mais il marque « Bonne Noël ». Puis après ça, tu reçois un autre cartable, puis tu décides. Pendant 30 secondes. C'est pas long, 30 secondes, non, dessiner. Non, c'est vrai. Quand t'as dessiné du fromage de chèvre, là, là, c'est difficile. Tu dessines la chèvre plus le fromage, puis tu fais comme un accroche-tiche pour qu'ils comprennent que c'est comme le jeu de mots entre les deux. En tout cas, ça, c'est cool. Un accroche-tiche. Tu vois qu'il parle son accent lutin un peu. Là. Ben oui. Oui, ton mais jeu, ben oui, mais ton jeu de société préféré, mettons, la vie, là. Oh là là, je pense que c'est le docteur là qu'il faut que t'enlèves. Ah, tellement! Là, ça opération! Mais là, ça fait c'est des sauts. Ben oui, non, mais c'est parce que ça fait des sauts. Ça te remet des oui. fraisants. Hein? Ça, oui. Puis sinon, dans les jeux plus adultes, c'est sûr que, comme j'ai dit, Carcassonne, c'est quand même cool. Oui, et là, ils ont sorti une application Carcassonne. OK. Là, je l'ai sur ma tablette. Il y a un peu de TDAH. Ouais, on a un lutin qui est... Ah, oh, wow! Oh, okay. C'est pas long à ouvrir, ça? Oui, oui. Ils l'ont sorti sur les cellulaires et les tablettes dans le Apple Store. Et tu peux jouer avec du monde de partout. J'ai joué avec un Chinois ce matin. Ah, ouais! Est-ce que c'est un lutin chinois ou... Ouais. Non, c'est juste quelqu'un de la Chine. Ah, OK. Mais nous, on n'a pas de décalage horaire au Pôle Nord vu qu'on est sur le dessus. Ah, mm-hmm. J'avoue, c'est vrai, c'est comme le fait qu'on le dort zéro. Jamais. Ben oui. Ah, c'est vrai. Il y a toujours du soleil, sauf une journée dans l'année, là, comme un peu en Suède. Il n'y a pas de soleil pantoute. Il y a beaucoup de spécificités au Pôle Nord, on s'était pas douté de ça. C'est pas un emploi facile. Non. Mais non, mais non, mais non. Est-ce qu'il faut que tu déneiges tout le temps le stationnement des rennes? Non, il y a des lutins déneigeurs, là. OK. Toutes les... En fond, c'est un peu comme une micro-société que vous diriez ici. Ouais, OK. Ouais. Ben oui, ici. Ici. Ben ici, oui, au Québec. Mais oui, ben parce que dans le fond, on vit tout seul à part de tout le monde. Mm-hmm. Puis on est toutes pareilles, comme okay. un peu l'Asie. Ah, on franchement. Quoi? Mais c'est un lutin. Quoi? Oui, il a le droit, c'est pas du racisme vu que c'est un lutin. Non, mais exact. On se ressemble, là. C'est dans le sens où on se ressemble beaucoup, là. Oui, dans votre humeur. Dans le facial aussi. Le physique, OK. J'essaie de sortir de ce... Non, mais on est tous pas grands. On est tous minces. Non, mais tu sais, lutin. Ben, il était ça. Fait que, puis on est un peu comme le Saguenay, un petit peu consanguin, ses bords, là. Mais là, pourquoi vous riez? Mais là, on vient toutes d'une famille de lutins. Vous avez des lutins ici, là? Tu sais, en bas de 4 pieds, là. Qui mesure vraiment en bas de 4 pieds ici? Là, vous riez de moi. Non. Okay. Non, c'est ça. Donc, on a une micro-société, donc tout le monde a un emploi très défini. Et dès le plus jeune âge, on choisit ce qu'on veut faire. Là. Ah oui? Mais oui, moi. Est-ce que tu as le droit de changer? Moi? Ben, c'est parce que tu vas à l'école là-dedans. Oh! Ben, tu peux. Il y en a des lutins qui décrochent, là. Mais là, les autres... Mais tu te fais renier par ta famille après ça, j'imagine. Ouais, mais ils sont souvent... des lutins qui finissent pas très bien, là. En prison. Mais faut pas voir tout en vert, là, tout en blanc non plus. Parce qu'il y a une prison de lutins? Ben, il y a des lutins voleurs, là. OK. Mais eux autres, tu veux pas leur parler, là. Eux, ils travaillent pas pour le Père Noël. Non. OK. Ils travaillent pour d'autres mondes. Est-ce qu'il y a un méchant Père Noël, comme, mettons, dans la religion de Dieu, puis le diable? Arrêtez, là, c'est pas vrai, le Père Fouettard, puis le Grinch, là. Ça, c'est des contes que vous êtes inventés. OK, c'est au cinéma. Ben, ouais. Mais non, mais il y a du monde, des fois, qui essaie de nous taquiner, là. Genre, mettons, ils vont enlever tous les chapeaux sur tous les ours polaires qu'on a faites, là. Ah non. Fait que là, faut tout que tu les retrouves. Parce qu'ils sont tous pareils. Oui, ah, comme en Asie. Oui. Est-ce que c'est facile à retrouver? Est-ce que t'as dit nazi? Tu sais pas c'est quoi ça? Non. Non, ok. Ça c'est rien. Vieux. Ça ben non, c'est pas tant vieux. Ça peut pas te rappeler quelque chose si tu connais pas ça. Hein? Ben ça me dit quelque chose. J'ai quand même 125 ans, là, je n'ai vu des choses. T'as arrivé au Pôle Nord? Non. Non? Mais il y a des parents? Oui. J'ai des parents, j'ai 125 ans. Il y a 125 ans, là, t'étais pas au monde pis pas d'implants, probablement, toi. J'étais dans les plantes. Je t'avais pas trouvé comme ça. Non, c'est ça. Mais c'est Internet, le Wi-Fi, c'est rendu pas là. Ben oui, on joue à Carcassonne. Ah, excuse-moi, t'as raison. Est-ce que vous avez le droit d'avoir des téléphones juste pour pouvoir essayer les produits que vous faites? Ben oui, en fait, il y a des lutins Wi-Fi. Ah, pas vrai? Ça, c'est cool. Okay. Ça, c'est la job que si je serais né un petit peu plus tard, là, mettons que j'aurais 30 ou 40 ans, je me serais inscrit à l'école là-dedans. Parce que dans le fond, tu vois toute la technologie, comme tout ce qui se vend. Parce que là, il y a la patte patrouille aussi. Là. Ouais, okay. C'est bien avant. C'est ça. Puis là, mais faut t'écouter ça, là, la patte patrouille, pour savoir ce que tu veux faire. Là. Ah. Tu sais, quand tu veux dessiner un chien, faut que tu l'aies vu. Là. Ben oui. Eux, ils écoutent les émissions, mettons. Ah, c'est okay. Ça. Puis là, ils vont créer les produits en lien avec cette émission-là. Je savais pas que il y avait des fans des Nordiques au Pôle Nord aussi, hein. Mais oui, mais c'est Nordique. C'est Nordique. Oh, il y a un oui, parce qu'il vient. Mais oui, je savais pas qu'il y avait un lien avec ici. Oui, c'est une équipe de hockey. Ah. Tu connaissais le hockey? Ben, c'est qu'est-ce qu'on met des lames en dessous de nos bottines puis qu'on patine? C'est exactement ça. Avec des cannes de bonbons puis des boules de gomme? Oui. Oui. Vous avez tout le temps, vous avez beaucoup de glace puis de neige au Pôle Nord. Est-ce que vous faites des sports comme ben le oui. hockey? Ben oui, on a la guerre des tuques. Okay. Oui. Version dessin animé ou pas? Mais non, mais on l'a fait nous-mêmes, là. On se construit des gros forts, là. On okay. est en congé quasiment toute l'année puis on a de la neige éternelle. Donc, vous faites beaucoup de choses. Ben oui. Et là, comme là, cette semaine, je risque d'aller voir une coupe de lutins, là, puis on va sûrement s'en aller faire du traîneau. OK. Oui, on monte des montagnes, là, puis on les descend en traîneau. Ouais. Et l'année passée, on a pogné 47 km/h en crise de carpette. Oui. Ben, je vous le dis, j'avais plus de tarte dans la bouche. J'avais même pas besoin d'aller chez le lutin dentiste, c'était tout enlevé. Ah, chaque affaire, chaque poste a le mot lutin devant. T'as comme le lutin dentiste, le lutin oui. premier ministre. Ici, vous avez les schtroumpfs qui font ça? Oui. Exactement. Oui, exact. Schtroumpf grognon, etc. Est-ce que vous avez des grognons? Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Mais oui, je l'ai dit tantôt, il y avait des voleurs puis du monde plate. Ouais. Mais faut pas en reparler à eux autres. Il y en a... On n'a pas de système de justice lutine. Ah, OK. Fait que, c'est le Père Noël qui gère oui, tout. Oui, c'est ça. Le Père Noël. Le Père Noël est comme un peu une reine, là. OK. Il gère, là. Puis le reine, lui, il est comme un Père Noël. Ah non, mais pas ce reine-là. Il est tannant, hein? Oui, je il sais. Tannant. Moi, c'est terrible. Je vais m'en aller. Non, quoi? Avant, je voulais quand même te demander, toi, lutin alfalfa, hein, est-ce que t'as une chanson qui te représente bien ou représente le Nord que t'aimerais entendre? Pour Noël? Pour Noël. Ben moi, je pense que... Ben n'importe quoi, une chanson que t'aimes. Une chanson musicale, une pièce de radiophonique. Ben je sais pas, là. Qui t'inspire, là. Ben je sais pas. Ben voyons donc. Ok, j'en ai une. N'écoutez pas beaucoup de musique? Non, on n'écoute pas beaucoup de musique. Éric Lapointe? Mais... La poudre. Est-ce que tu me proposerais quelque chose, mettons? Ah ben oui, je vais donner des titres, tu vas me dire qu'est-ce qui t'inspire, ok? Mettons, je te dis, je sais pas. Mais moi, je parle français, hein? OK, je vais y aller en français, sans problème, hein? T'as Vertige, Au-delà, Première gelée. Oh, Première gelée! Je savais que t'allais dire ça, je t'ai vu venir. On va écouter ça, puis après ça, on revient de parler encore plus. OK, OK. Merci d'être là, Alfalfa. Ça fait plaisir. De toute façon, je suis pogné ici. Ouais, c'est ça. Ça peut arriver, il faut des tractionnés comme dans le Nord aussi. Pas le choix. Est à l'automne, balayé d'oranger, saignant de rouge et or, chargé d'hélium, à demi envolé, s'accrochant au dernier de tes soupirs, refaire le tour du cadran, pouvoir tout ralentir, voir sous chaque Catherine Durand, première gelée à Assemblage Rocky. On est toujours avec le lutin Alfalfa. Ouais, mais là, je suis déçu. Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, vous êtes là, puis vous m'écoutez parler. Je sais même pas pourquoi je te cite aujourd'hui à part pour les deux jeux. Vous me gardez avec vous, là. C'est quoi, faut que je fasse? Ben, c'est parce qu'on veut que tu aies une belle expérience de ta première fois à la radio. Mais là, est-ce que, genre, falloir que je revienne comme faire des chroniques, là? Ça serait le fun. Ben, est-ce que t'aimerais ça, vu que t'es en chômage? Moi, t'as rien On dit pas le mot chômage, on dit vacances méritées. Ah, OK. C'est du snowmage. C'est du snowmage. Snow comme de la neige. Neige, c'est le mot anglophone pour neige. Je pensais que tu parlais toutes les langues, toi, au pôle ouais, nord, mais au milieu. Je comprenais pas la référence. Parce que, en tout cas. T'es trop jeune pour comprendre ces gars. Ouais, c'est ça, ça va être 5 ans. Peut-être que ma mère comprendrait. Parce que je fais des jeux de mots de ma tante, c'est ça que tu faisais? Non, tu fais des jeux de mots de grand-maman. OK, excuse-moi. Mais moi, en tout cas, j'irai pas dans ce sujet-là. OK. OK. Ça a l'air de territoire glissant. Mais non, mais pour vrai, il a parlé d'improvisation, hein? Oui. Mais il y a de l'impro ici. Oui. Oui, et tu sais c'est quoi? Ben, c'est quand on se met en jogging entre quatre planches de bois. Pas mal ça, à date, ouais. Ouais, c'est pas pire. Des bandes qu'on appelle comme au hockey avec les Nordiques. Ah. Il y a des bandes tout le tour, ça s'appelle un improvisoire. Ah. Et puis les gens se font donner des thématiques, OK? Et puis ils doivent faire un sketch. OK, est-ce qu'on l'essaie, Jean? OK, ça c'est quoi le thème? Ben là, faudrait-tu que comme quelqu'un m'en donne un? OK. OK, genre, pour le mort. Ben là, c'est comme ma vie de tous les jours, genre. C'est pas okay. Et là, faudrait comme que tout le monde interagisse ou je fais ça tout seul? Fais ça tout seul, pas toujours. OK. OK, mettons que je prends la feuille devant moi puis je prends un thème au hasard, là. Chocolat. Chocolat. La chanson s'appelle Enouin, puis le groupe c'est Chocolat. Enouin, Chocolat. Ouais. Ça t'inspire quoi? Ça m'inspire que je dirais, mettons, Hey, toi, là, avec le manteau du poêle. Mais là, ils sont tous avec des manteaux avec du poêle, là, c'est ça qu'il faut comprendre. OK. Ouais, c'est ça, on est tous des manteaux comme. Est-ce que vous connaissez Oui Charlie? Attends, j'oublie ça, l'improvisation, c'est pas intéressant. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est une bonne question. Comment il fait pour faire de l'improvisation? Quand mettons, là, si t'avais à faire de l'improvisation, tu serais pas capable. Là. Ben, je sais pas. Pourquoi je fais de l'improvisation? Tu peux pas être un gars qui fait de l'improvisation. T'es ben trop tête en l'air. Hein? Ben, je sais pas. Faut-tu être concentré là-dedans? Oui, probablement, oui. Faut-tu suivre beaucoup? Ah, ben là, je peux pas faire ça. Moi, je fais 5 choses en même temps. Moi, je suis impliqué dans plein de choses au pôle nord parce que si je m'arrête, je vais mourir. On devrait te présenter à David Ferron. Ouais, c'est rien de bonne équipe. Il clique son crayon tout le long de la chronique comme toi tantôt. Pareil, David Ferron. Mais il est-tu cassé? Je pense que c'est peut-être celui qui a utilisé hier. OK, c'est le crayon à. Parce que je me disais que c'est pas moi qui cassais le crayon, il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi. Clairement, David Ferron. Donc, non, c'est ça. Et c'est parce que ça m'aide des fois justement à me concentrer. Oui, c'est ça qu'il faut. Mais moi, j'ai quelque chose. Il y a une autre passion que je pense que je pourrais venir vous jaser. Oui, vas-y. Mais moi, j'aime. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui écoutent ça. Hein? Non, c'est non, pour, non. Ben, les enfants, à cette heure-là, ils sont à l'école. Ça. OK. Mais moi, j'aime beaucoup ça, l'alcool. Hein? Ah! Oui. Un lutin? Oui. Mais l'alcool, c'est ça qui est le fun, c'est que ça gèle pas. Non. Fait qu'au pôle nord, on a un frigidaire géant aussi de 2,5 millions de kilomètres. Qui s'appelle votre pays. Qui s'appelle nous, comme nous. Où qu'on vit là. Dans... Ouais. Fait qu'on a comme pas besoin de réfrigérateur. Comment s'appelle votre pays, mettons? T'sais, le pôle nord, c'est comme un territoire. Ben, ça s'appelle le pôle nord. Le pôle nord? Ou le village du Père Noël. Ah, OK. Ah, mais, oui. Dans le fond, on peut vivre au village ou on peut vivre au pôle nord. OK. Le village. Est-ce qu'il y a un village gay dans le village du Père Noël? Ben, on accepte tout le monde. OK. Puis, il n'y a pas de moyen. Hein. Y a tout le monde qui me demande souvent, là, « Hey, Alfalfa, là, comment on fait pour devenir un lutin? » Tu peux pas, OK? Tu dois être lutin. Tu dois être... c'est comme, t'es blond ou t'es brun. Si tu teins, t'es quand même brun. T'as juste une teinture. Fais pas semblant. OK. Hey, toi qui disais tolérant, les transgenres doivent pas être ton genre. Hein? Non, mais il faut juste... La différence, c'est... Tout le monde, on accepte tout le monde. OK. Qui sont des lutins, là. Ah oui. OK. C'est ça, c'est que si t'es un humain qui essaie de se faire passer par un lutin, on le sait, tu mesures plus que 4 pieds. OK. Oui. C'est sûr que, tu sais, quand il arrive, là, on est comme, ben là, voir qu'une lutine peut accoucher un bébé de 2 ans qui mesure 6 pieds 2, là. OK, fait que vous êtes tous des petites personnes. Mais proportionnel. Oui, proportionnel. On y est. Ben, il y a un seul lutin, là. Mm-hmm. Que lui, il a fait augmenter, mettons, notre taux d'obésité. Comment ça? Ben là, il... Trop de bonbons? Mais non, il faut qu'il mange plein de choses, lui. C'est comme... Sa job, c'est d'être cuisinier, là, puis il goûte tout, puis il aide Mère Noël, là. Mère Noël est un petit peu gourmand aussi. Fait qu'il fait plein de repas, puis il goûte, puis là, pour faire qu'on fasse des menus. On s'entend qu'ils doivent s'entendre. Le Père Noël puis la Mère Noël, c'est pas des personnes sveltes. Non, en effet. Hein? Hein? Svelte, mince. Ah, ben, on y voit comment on y va, là. Ben oui. Écoute, tout le monde y donne des biscuits puis du lait. Arrêtez donc, donnez-y des carottes puis des légumes. Peut-être qu'il va maigrir. C'est choix santé, c'est un vrai? Peu, hein? C'est bâtonnet de céleri, hein? Oui. Mais non, mais c'est ça, je pourrais venir vous parler d'autre chose que des jeux. D'alcool, mais oui. Donc, tu dis. Tu veux nous parler d'alcool? Mais oui, il y a plein d'alcool qu'on découvre aussi au Pôle Nord, là, parce qu'il y a des cadeaux pour les enfants, mais aussi des cadeaux pour les adultes. Mmh. C'est vrai. Faites aussi, vous, là, vous avez demandé quelque chose. Qu'est-ce que vous envoyez, vous, à Noël? Le Père Noël, vous a donné quoi? Moi, j'ai reçu la bibliothèque Larousse du vin. Wow! Du vin, vois-tu? Ouais. Du vin. Vous allez vous entendre. Et oui. Voilà. Moi, mes cadeaux, j'en ai pas eu de personne, honnêtement, je suis triste. Mais je me suis acheté moi-même ma nouvelle mousse de micro jaune. Ouh! C'est bon, hein? Oui, très beau. C'est tout. Ça m'a coûté 10$. Ah, c'est son seul cadeau? Ouais. Ouais, je vais t'en faire un. Merci. Le Père Noël, t'as pas amené de cadeau? Faudrait qu'il m'achète des bottes. Ah, c'est ça. C'est ça. Ça sent bien. Est-ce que vous oubliez des gens parfois? Mais s'ils sont pas sur la bonne liste, on les oublie pas, on leur en donne juste pas. Oh, Mathieu, c'est ça l'affaire. Ah, faut s'inscrire. Mais non. Mais non, mais t'es sur la liste des mauvais. Ah, des mauvais, ça se peut, ça, par contre. Mais là, t'as-tu fait des niaiseries, genre? Ben, ouais. C'est souvent. Pas mal est-ce que c'est ta blonde ou ton chum qui t'a fait faire des niaiseries? Je suis célibataire et hétérosexuel. Oh! Mais là, il va falloir que tu viennes. J'ai entendu dire qu'il y avait une soirée à ton honneur ici, en plus. J'ai entendu dire que la personne... Il y a quelqu'un qui s'occupe des événements à la Ligue d'improvisation. Oui. Je sais que t'en as entendu parler. Hein, qui organise des événements comme un iPod Battle ou un Lip Sync Battle après les matchs d'impro. Puis il y a une soirée qui s'en vient pendant l'hiver qui est la soirée genre Machon Mathieu Plante. Oh! De façon intersexuelle. Ouais, c'est sûr, je vais me présenter puis je vais crier plein de niaiseries. Je pense que j'ai comme un speed dating. Genre. Ok, t'as le droit d'y aller? Ben, moi, c'est parce que j'ai vu ça, là, sur les affiches. Ah, okay. T'es là, quand même, comme... Fait que je viendrai pas, mais je trouve ça drôle, parce que je savais que c'était lui, là. On s'était croisés pour faire, comme, les chroniques de jeu. Fait que là, j'ai dit, comme, l'événement Mathieu Plante. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, quelqu'un m'a répondu que c'était un speed dating. Fait que je trouve ça drôle de savoir que c'est libre. Je dis, peut-être que ça avait changé, c'est pour ça que... Et hétérosexuel. Ok, c'est bon. Donc, à tous les lutines en Londres, oui. Mathieu Plante se cherche. Oui, se cherche une amie pour être sur la liste des enfants sages. Il se trompe. Parce que le royaume du Père Noël est en écoute, hein? Oui, ben j'ai dit au Père Noël avant de partir. En streaming. J'avais dit 9h heure de l'Est. On écoute, c'est fou parce que je vais être là. Parce qu'on sait que vous avez tous les fuseaux horaires, tu l'as dit tantôt, vous êtes l'heure zéro. Oui. Hein? On est l'heure jamais. En fait, il n'y a pas d'heure. Il est toujours 3h15 au Pôle Nord. C'est tout le temps 3h15. Ouais, fait que j'ai dit à 3h15. PM mais ou AM? Ben, peu importe. Il est 3h15. C'est écrit 9h42, là, mettons, sur votre horloge. Ouais. Oh, ça bouge. 40, 30. Oui. Facilement déconcentré. Okay. Hein, c'est comme un petit chat. OK. mais c'est ça. Avec nous, il est toujours écrit 3h15, mais AM ou PM, c'est pas grave. Quand le soleil est debout, c'est le matin. Puis quand le soleil est couché, c'est le soir. Ben oui. Et voilà, mais on dort pas souvent, là. Non, mais tu l'as dit tantôt. Hein. On va dormir là, de personne. Est-ce que toi, t'as une amie lutine? Ah, oui! Oui, j'ai une amie. C'est excitant, ça. Boy, hein? Oui. Ouais. Elle boit de l'alcool avec toi? Oh non, non. Non? Et ça? Non, ça, c'est comme mon... C'est ton vice? Oui, c'est mon vice caché. Oh, OK. C'est comme... Le Père Noël, il le sait pas, là. Ben non, mais je suis quand même loin du Père Noël, là. Je l'ai dit, là. OK. Mais quand je suis chez moi, mettons, je suis tout seul, là. Mm-hmm. Là, mais que ma lutine à moi, elle se couche, ben là... Genre, je sors une bouteille de microbrasserie de Charlevoix à ESB parce que c'est une bonne bière. Ah, OK. J'ai wow, ça avait l'air sérieux. Est-ce que t'es comme spécialiste du Québec pour les lutins? Ben, en fait, vu que je suis un qui parle beaucoup français, là, ben, genre, je suis quand même assez impliqué ici au Québec. Mm-hmm. J'ai déjà même été, là, quand tu vas sur Internet, tu peux même voir des photos de lutins, genre quand je suis ici. Je suis allé dans des magasins, comme un magasin à Québec, là, mm-hmm. que je peux pas nommer. Puis là, j'ai été voir avec le Père Noël. Je suis allé là parce que je parlais français, fait que c'est plus facile pour moi de... Ah, c'est fun, ça! C'est le Père Noël du magasin de Québec. Non, non, c'est le Père Noël. C'est le Père Noël, OK, oui. Parce que des fois, on entend, tu sais, il y a des gens qui expliquent qu'il y a plusieurs Père Noël, oui, des fois, il y a du monde qui s'invente Père Noël, là. C'est juste vraiment pour... Surtout quand il y a la barbe au nombril, là. Ouais. Mais là, s'il enlève sa barbe, c'est clairement pas un vrai Père Noël, là. Ouais. Mais le vrai Père Noël, là, je vous montrerai, là. Au pire, je vous enverrai une photo à vous deux. OK. Oh, merci. C'est avec bon. Une photo de moi puis le Père Noël, où on fait des grimaces. OK. Parce que quand c'est notre anniversaire, on peut prendre une photo, nous, avec le Père Noël. Oh! Oui. Parce que, en tant que personne de 125 ans, le lutin de 125 ans, est-ce que t'es considéré quand même comme un mineur? Oui. Fait que sur Facebook pis tout ça, faut faire attention, là. Ben non, mais... Genre, sur Facebook, y a pas Facebook. J'ai pas Facebook. Excuse-moi. Y a pas encore Facebook. Non, non, mais ça s'en vient, là. Je vais travailler là-dessus, là. Ça va okay. venir. Ça va venir. Est-ce qu'il y a un assistant lutin? Est-ce que vous avez possibilité d'avoir un assistant? Je vais aller voir les lutins à l'école, les lutins Wi-Fi. Ils vont tout régler ça. Ils vont me faire une page Facebook. Puis c'est des ça. Des demi-lutins. Des demi-lutins? Ils viennent d'entrer là-dedans, ils font... c'est des nouveaux. Ah, monsieur, je comprends pas le terme non, de demi. Non, je comprends pas. Non, moi non plus, mais c'est pas grave. Passe à autre chose. OK, c'est bon. Tu peux pas être à moitié lutin, Mathieu. Non, c'est ça. Tes deux parents sont lutins. Ben, à moins que tu sortes avec une lutine, puis là, tu fasses un bébé lutin. Mais je pense que ça serait comme un peu du métissage. Mais tantôt, tu as parlé de consanguin au Saguenay. Ben oui! Est-ce que vous avez des lutins qui ont genre un troisième bras ben dans le non, front? Ben non, le sang lutin est pur. Ah, OK, tout le temps pur. Oui, on a tous le même sang. On est tous des A positifs. Ah, positif! Okay. Ben, on est toujours positif, dans le fond. Ben oui, là. C'est l'humeur. Hein. C'est ça, c'est l'humeur. Ça va avec l'humeur. Il y a des lutins qui sont négatifs, mais là, c'est parce que c'est leur humeur, pas leur sang. On l'a dit tantôt, c'est comme des graines. Okay. Et voilà. c'est ça. Mais c'est ça. Je pourrais-tu venir vous parler d'alcool un oui, peu? Oui, s'il te plaît. Ben oui. Comment ça va faire ça? Tu vas nous parler d'une sorte d'alcool? Tu vas parler oui, de whisky? Mais si on peut ouvrir ça en onde, peut-être qu'on pourrait goûter, mais si on peut pas, on va juste en parler. Oh, non, on peut. On l'a déjà fait là, par le passé. Fait oui, on peut continuer là. Tu sais, c'est okay. Parti. Mais donc, est-ce que tu vas parler de genre, tu vas faire des jeux de mots comme whisky de fond, mettons? Non, je vais plus venir parler peut-être de microbrasserie. OK. De vin à l'étalage pour pas cher. Oui. Ouais. Mais comme j'ai fait, je pense avec les jeux, ça serait drôle. Ben oui. Ben oui. Mais je vais continuer de parler de jeux pour aussi. Pour les adultes. Ben oui, je peux parler de jeux si j'en découvre d'autres. Parce que là, on est comme en rupture de stock. Là. Parce que ça fait genre, tu sais, une chronique party, tu sais, jeux de société, alcool, tu sais. Ah, oh, chronique party. Ouais. C'est quand même cool. Ouais. Ben oui, hein. C'est quand même cool. Surtout que je pense après un gars qui est hyper déprimant. Là. C'est ça. C'est quand même cool. Ouais. Fait que ça serait comme tous les mercredis, genre. Mettons à, je sais pas, mettons qu'on se dit 9h. 9h tous les mercredis. Heure de l'Est, là. 9h et heure d'ici tous les mercredis. Oui. Pas. Mais mettons, je vais donner ça au Père Noël, puis on verra. On verra. OK. Je vous donne des nouvelles? Oui. Ouais. On t'envoie le contrat par la main. OK. Ben là. À chaud. Ah ouais, chaud. Good. Fait que moi, je suis parti. Merci. Okay, bye, Alfalfa. Bye bye. Alfalfa, bye! Hey, en passant, les amis, bonne année! Bonne année! La bonne année au nouvel an! C'est vrai, bonne année! Wow, bonne année! Ça va être la fin de sa chronique, mais aussi la fin de l'émission d'aujourd'hui. C'est triste, mais c'est comme ça. On a eu tellement de plaisir ensemble aujourd'hui. Une des émissions les plus divertissantes qu'on a eues, hein? C'est vrai? Oui, ça? Vraiment. Une des plus chargées aussi qu'on a eues depuis le début. Je me disais, depuis le début de l'année 2017. Ben, c'est notre troisième. Mais ouais, quand même. C'est ça. Alors, on remercie Sébastien Gartin pour sa chronique et du bulletin Gartin. On remercie Gabriel Béhoud pour Dans les coulisses de la lutte. Et bien sûr, Alfalfa le lutin. Merci à Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. On va se quitter pour une autre journée, mais demain, on va être de retour, on va être jeudi, et on n'a pas de chroniqueur demain. Donc, Tania Isgolin et Tania, on va faire du sexe, ça ne devrait pas en l'œil, puis l'autre chronique, on va se figurer pendant la journée. Demain, entre 6h30 et 9h30, sur nos ondes, plus tard aujourd'hui. On est mercredi à 10h, il y aura Compte à rebours, l'émission de Compte traditionnel. À 11h, nouvelle case horaire pour la rediffusion de Rock de Neurones, qui était le mardi avant. Ensuite, à 13h, Réponds avec une chanson, l'émission de variété et de demande, pas de demande spéciale, mais de chanson qui lui rappelle une thématique. Ou une oui, exact. Ou si jamais vous avez une question, elle vous répond avec une chanson. Voilà, la page Facebook s'appelle Réponds avec une chanson. Hein? Ensuite, à 15h, je serai de retour en direct pour le Mathieu Plante Show, première émission de la saison, en fait première émission live depuis le début du mois de décembre. Hein. Oui. 17h, Audiomatique, 19h, rediffusion de l'Obtrotter à partir de la semaine prochaine, je crois. 20h, c'est Radio Sonic. Sif.ca pour la programmation complète, assemblagerocky.com pour les notes de l'émission, les balados, diffusion, skid avec The Pack 80 et Fair Enough. À demain! Bye! Bon café!